disciples, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte, volontairement ou sans le savoir, une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Bah, dites-le plutôt clairement. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 6, épisode 32. Comme d'habitude, je procède au rappel traditionnel de notre émission. Vous pouvez nous contacter à notre adresse email démocratieparticipative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je répète, démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je vous invite aussi à vous inscrire sur le forum Europe Écologie Les Brins, à l'adresse suivante, eelb.su, je répète, eelb.su. Vous pouvez commenter les articles qui paraissent sur le site, les émissions aussi, bien sûr, participer à différentes catégories qui sont présentes sur le forum, comme la partie informatique, crypto, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses qui pourront vous intéresser, ou bien créer vous-même vos sujets relatifs à l'actualité, ou pas d'ailleurs, etc., etc. Avant de remercier les donateurs, eh bien, nous allons présenter les membres qui participent cette semaine. Je vais commencer tout de suite, sans transition aucune, par Alexis, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Salut Alex. Salut Gandalf, salut tout le monde. Est aussi avec nous cette semaine Hopman America, on espère qu'il va bien, Hopman. Oui, bonjour, ici c'est Hopman Taliban, et je vais bien, et je vous dis en avant les talibans, en avant Guingamp. Bah en avant les talibans, alors cher Hopman, est aussi avec nous cette semaine Fulbert, salut Fulbert. Bonjour Gandalf, et bonjour à tous. Nous rejoignons aussi cette semaine Pierrot, qui nous fait le plaisir d'être avec nous, salut Pierrot. Bonjour Gandalf, bonjour tout le monde. Et enfin est avec nous aussi... Porovitch, j'espère qu'il va bien, Poro. Oui, bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour aux auditeurs. Alors, avant donc d'entamer l'émission à proprement parler, on va remercier les donateurs, bien sûr. Chère équipe de Démocratie Participative, comme premier essai, je vous ai envoyé donc 0,92 Monero, donc c'est 0... Oui, c'est... Je pense qu'il y a peut-être une erreur, je ne sais pas. 0,92, bon, 0,92 Monero, si possible, veuillez me confirmer ce paiement qui, je l'espère, servira à faire chier qui vous savez, en remerciant toute l'équipe pour votre travail et vos articles fabuleux, qui sont une bouffée d'air frais dans cette société de fous dirigée par qui. La prochaine fois, j'essaierai d'envoyer une somme plus conséquente après que cet essai ait été confirmé pour votre travail. Et c'est signé Melvie Lebeau. Alors, merci Melvie, je confirme. J'ai vérifié ça, et effectivement, ça s'est bien passé. La transaction est bien passée. Merci à toi, encore une fois. Don numéro 2, salut à l'équipe et aux auditeurs. J'espère, sans y croire, que la rentrée sera chaude contre ce foutu passeport intérieur. À part 2-3 personnes lucides autour de moi, tout le monde s'est fait vacciner comme des moutons. Comme vous l'avez souvent répété lors des émissions, j'ai bien peur que les Français soient devenus mûrs pour l'esclavage. Je ne vous ai pas fait de compte-rendu sur les manifs, malgré le fait que je sois allé... dans plusieurs villes, car elles étaient représentatives de la France périphérique, quelques gauchistes excités, beaucoup d'anciens gilets jaunes et une foule de gens de classe moyenne déclassés et broyés par l'État. Plus que de la colère, j'y ai senti une certaine résignation et une sorte de sentiment que tout était déjà plié. J'espère me tromper et je souhaite qu'un soulèvement participatif dégage le pouvoir en place. Bonne rentrée à tout le monde et au mois prochain. Et c'est signé Mélas Autocrator, qui est un donateur régulier, hein, c'est un mécène de l'émission. Mélas, salut à toi Mélas et bon courage pour ton engagement puisque tu participes aux manifestations. Et on va revenir sur l'essence même de ton propos, de toute façon, dans l'émission, sur ton sentiment. Donc, don numéro 3, enfin. Bonjour à tous. Hein, un petit don de 0,38 Monero, envoyé ce dimanche, 15 août. Alors oui, ça, il y avait un décalage, parce qu'il n'y a pas eu d'émission pendant la semaine dernière. Et c'est signé JPLB, qui se reconnaîtra, et que l'on remercie très celtiquement. Hein, j'espère qu'il se reconnaîtra, JPLB. Merci, merci à toi, JP. Alors, messieurs, commençons cette émission. On n'a pas eu d'émission la semaine dernière, mais finalement, il n'y a pas eu tellement, pas cette semaine, mais la semaine d'avant, il n'y a pas eu tellement de choses nouvelles. Cette semaine, il y a eu un petit peu plus de confirmation, dirais-je. Alors, on va commencer avec la première rubrique, autisme radical. Alors, donc la rentrée politique est lancée. Nous sommes dans une année d'élection présidentielle, 2021-2022, mais bon, on va dire que à partir de septembre et jusqu'au mois de mai, ça va s'intensifier en vue de la présidentielle, du moins pour ceux qui s'intéressent à l'élection présidentielle et qui pensent qu'elle a un enjeu quelconque. Vous serez peut-être amené à me donner votre avis là-dessus. En attendant, les nouveaux candidats et candidates se font connaître. Et cette semaine, c'est Sandrine Rousseau, une parfaite inconnue qui avait pris un sale coup de vieux parce que comme elle s'est fait connaître cette semaine ou reconnaître, je me suis rendu compte qu'elle avait déjà brillé par des stupidités qu'elle avait dites chez Ruquier et autres. Et effectivement, elle a pris un sale coup de vieux en 3 ans, au point de devenir méconnaissable. Alors donc, Sandrine Rousseau est candidate écologiste, entre guillemets, donc c'est une écolo-gauchiste, de chez EELV, ils ont je ne sais pas combien de candidats d'ailleurs. Elle nous a expliqué la chose suivante, s'il y a des Afghans potentiellement terroristes, il vaut mieux les avoir en France pour les surveiller. On l'écoute tout de suite et on se retrouve. Si vraiment il y a des personnes qui sont dangereuses, des potentiels terroristes, c'est pas parce qu'ils restent en Afghanistan qu'ils sont moins dangereux en vrai. Donc quelque part les avoir en France, ça nous permet aussi de les surveiller. Et... Alors, je vais commencer avec Porovitch qui je crois a découvert un peu le spécimen. Hein. Donc candidate à la candidature, elle n'est pas encore désignée candidate officielle d'Europe Écologie Les Verts. Ne confondez pas avec Europe Écologie Les Bruns, s'il vous plaît. Mais bon, elle est dans la course, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire à propos de sa déclaration, déjà dans un premier temps, et d'elle-même? Je pense que tu as très bien choisi ton sujet pour l'autisme radical, parce que là, on est dedans, quoi. Ces gens sont des fous furieux. Hein. Alors, c'est marrant, il y a une petite ressemblance physique avec Antestasia. Je sais qu'il est une bonne cliente que tu apprécies. Ouais. Donc, je sais pas, cette femme-là, elle est prof, un truc comme ça, non? J'aime les seins d'Antestasia. Oui, nous aimons tous les seins d'Antestasia. Le problème, c'est pas les seins, c'est quand elle parle. Quoi. Ah oui, non, là, oui, effectivement. Oui. C'est le problème avec les femmes en général, hein. Très souvent. Effectivement, très bonne remarque. Non, mais sur le fond... Faut importer les djihadistes, comme ça on peut les surveiller. C'est une logique de prof de maternelle appliquée aux terroristes, quoi. Ces gens sont des fous furieux. Moi, je j'ai pas de mots, en fait. Bon, il va falloir qu'on se sépare de ces gens, hein, très vite, très vite. Hein. Faut demander le divorce. Hein. Oui, parce que là, on est en pleine phase de délire afghan, très similaire à la phase de délire syrien, en gros. Hein. Mais bon, voilà. Captain, tu voulais réagir. Ouais, j'ai pris texto la séquence et je l'ai fait voir à plusieurs personnes, dont des gens qui ne sont pas de notre bord. Et toutes ces personnes-là sont juste tombées sur le cul, quoi. C'est-à-dire qu'on est, dans la cité de la peur, mais version IRL, quoi. Vous vous souvenez bien sûr de la cité de la peur, pour ceux qui l'ont vu, de cette citation où t'as le mec qui zozote, qui bégaye, qui essaie de retrouver. On peut tromper une fois mille. Non, attends, bouge. On peut tromper mille fois une personne. Non, attends, bouge pas. Et c'est le même niveau de connerie en fait. C'est-à-dire que tous les jours, il y a une connerie supplémentaire qui s'ajoute et t'as l'impression d'être dans un mauvais film. Quoi. Et c'est juste. C'est invivable. Et le pire, c'est que tu as beaucoup de gens qui sont pas au courant. Et les gens à qui j'ai fait voir justement cette séquence, je leur ai dit, mais c'est pas les seules énormités que les gens d'Europe Écologie Les Verts ont prononcées ces derniers temps. Et je leur dis, t'étais au courant qu'il y en a une, il y a une tarée qui, en Alsace, au conseil municipal, a dit que les rats et les punaises de lit, c'était pas des nuisibles et qu'il fallait vivre avec, il fallait vivre en osmose, les considérer. Et les gens, ils sont pas au courant. Et les gens, quand ils apprennent ça, mais ils tombent des nues, en fait. Et je crois que le premier problème qu'on a en France, c'est ça, c'est le manque d'informations sur ce qui est important. C'est-à-dire, les gens manquent cruellement d'informations quant à la stupidité, quant à la le dogmatisme, le fanatisme de ces gens qui veulent qu'une seule chose, c'est nous voir tous nager dans un grand pays rempli de caca et d'Afghans. Voilà. Il y aura des nègres, il y aura des Afghans partout, et ça sera ground zero de l'immigration de masse. Et voilà. Pas formidable. Punaise, Afghans, moi je vois un lien. D'ailleurs, je vois aussi un lien avec ce que tu viens de dire avec Émeric Caron, je rappelle, un ancien chroniqueur de Ruquier, qui veut pas que... Vous savez, quand vous avez un moustique qui est en train de récupérer le sang, faut pas le tuer. Parce qu'en fait, du coup, la maman moustique, elle récupère pas le sang, elle peut pas nourrir ses bébés, donc faut... Voilà. C'est un peu le même délire. Ouais, c'est un antispéciste. Sinon, ouais. Ouais, les mecs sont dans un univers parallèle, Sliders, quoi. Moi, j'ai une proposition participative à faire avec cet élu écologiste. Je sais pas si les Français sont au courant, mais en ce moment, on relâche massivement des violeurs et des tueurs en série, d'accord ? Donc, on a parlé dans l'actualité de Patrick Trébeau, le gitan violeur, qui, je sais pas, il a violé 20 nanas dans des parkings en faisant appel, en plus des violences sexuelles, à d'autres violences physiques. Il est libre, hein. il est dehors. je connais pas ce cas-là, d'ailleurs. C'est un cas assez connu, hein. Le mec, il est passé aux assises, ça fait grand bruit, parce qu'en fait, il a eu un fait entrer l'accusé par rapport à cette émission. Vous savez, normalement, quand on regarde fait entrer l'accusé, à la fin, vous dites, bon, bah ok, le type, c'est vraiment un salopard, au moins, il sortira plus. Bon, bah lui, il est dehors, hein. Il est dehors. Il a purgé combien de temps? En fait, je crois qu'il a fait 15 ans en tout pour une vingtaine de viols, parce qu'en gros, ils ont fait un prix de gros, quoi. Voilà. D'accord. Il n'y a pas d'homicide. Non, lui, il a pas tué. Mais par contre, Guy-Georges va bientôt sortir. Ah oui, c'est vrai ça. Oui, c'est vrai. Ouais. Voilà, il y a aussi un fait d'entrer l'accusé sur lui, parce que c'est quand même. Voilà, qui a un prénom français d'ailleurs. Hein. Oui, bah, il est français, il est plus français que toi, quand même. Hein. Oh, donc, oh, bah, ces gens-là, c'est violeurs en série, c'est tueurs en série. Faut les héberger chez cet élu là, écologiste, et donc elle pourra les surveiller de près. Voilà, faut pas les mettre en prison, parce que apparemment, quand tu mets des gens très dangereux à ta proximité tout le temps, bah tu es en sécurité. Faisons un petit cas concret participatif. Alors moi là-dessus, sur ce cas-là sur le cas de Sandrine Rousseau. Moi, je vois... Alors oui, il y a une réflexion qui est revenue très fréquemment. Ces gens sont fous, etc. Et je pense que... je ne suis pas certain que ce soit de la folie au sens où on l'entend traditionnellement. Je pense qu'il y a une logique derrière ça. Mais la première remarque que je voudrais faire, c'est relative tout simplement à la démocratie. C'est-à-dire que la démocratie permet à ce genre de... d'énergumène, d'exister politiquement. Voilà. C'est la fonction de la démocratie, hein, qui est le masque, un masque utilisé par les véritables décideurs, hein, les grandes puissances d'argent, tout ça, vous savez tout ça comme moi. Ça leur permet de faire défiler comme ça des fous, des histrions, des machins, et il y en a toujours un peu pour tous les goûts, en fait. Et c'est une espèce de spirale, parce que plus vous présentez des fous, plus il y a de candidats à la folie, ou apparente, à la folie apparente, une espèce de surenchère comme ça, et tous les excentriques, tous les illuminés, alors il y en a beaucoup, évidemment, surtout chez les femmes exhibitionnistes comme ça, parce que ça, c'est des femmes exhibitionnistes, hein, c'est des femmes qui veulent se mettre en avant. D'ailleurs, si vous regardez la séquence vidéo, elle a le sourire, elle a la banane, quoi, elle est contente d'être sur BFM, elle a l'impression d'exister, vous voyez. Et donc moi je pointe déjà du doigt en fait la conséquence de la démocratie, c'est-à-dire que la démocratie permet aux égouts de déborder dans votre télévision, ça se fait élire ensuite, parce qu'il faut bien comprendre que si des gens comme ça peuvent exister, c'est parce qu'il y a des gens qui votent pour ça aussi. Je veux dire, faut pas non plus être trop idéaliste sur le peuple. Hein. Je veux dire, il y a une partie du peuple qui est à l'image de ce genre de personnes. Hein. Donc, d'où le double problème de la démocratie, à savoir ceux qui se font élire et ceux qui les élisent. Hein. Voilà. Ça, c'est le premier truc que je voulais dire. Donc, je réitère mon souhait de voir la démocratie détruite purement et simplement. Et deuxièmement, je crois que là, on voit se manifester, en fait, une tendance très lourde de toutes les folles dites féministes en lutte contre le patriarcat qu'on retrouve à gauche, et qui, en fait, ont une attitude instinctive assez cohérente vis-à-vis de leur propre projet. C'est-à-dire qu'elles, ce qu'elles disent, c'est qu'il faut faire rentrer tous les hommes, même les plus dangereux, d'où qu'ils viennent sur Terre. Et visiblement, elle est très excitée, et j'ai presque envie de dire très excitée sexuellement, à l'idée de voir des djihadistes afghans arriver en France, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un appel à démanteler totalement les frontières pour que les violeurs marrons arrivent. C'est ce qu'elle nous dit, voilà. Et il faut les surveiller. Alors j'aime bien quand il dit ça, il dit oui, on va les surveiller. Bon, évidemment, le concept est fou, c'est-à-dire que si vous acceptez de faire venir tous les gens dangereux en France, vous n'avez pas fini, parce que le tiers-monde en déborde. Hein. Mais même quand il dit on va les surveiller, évidemment, ce n'est pas elle qui va les surveiller, ni même aucune femme qui va les surveiller, grosso modo. Bon, il y a quelques femmes qui sont dans la police, mais généralement, c'est jamais très concluant. Hein. Rappelez-vous de la séquence à Nantes, là, où il y a eu une tentative, mais ça avait échoué, et puis ensuite, j'ai oublié, le bled, c'était en Ile-de-France, là, récemment, il y a une femme flic qui s'est fait égorger aussi, là, bon, par un Tunisien, bref. Donc, évidemment, quand ils disent « on va les surveiller », non, c'est les hommes blancs qui vont surveiller, d'accord, et avec le fric, des hommes blancs. Donc, tout ce cirque-là, dans l'univers mental de ces coconnes, c'est toujours, au final, l'homme blanc qui passe à la caisse. C'est-à-dire que c'est lui qui va payer, et c'est lui qui va devoir sortir la serpillière pour nettoyer la merde. C'est toujours le même schéma. Donc deuxième conclusion de mon propos, c'est non seulement il faut en finir avec la démocratie, mais il faut même en finir avec les femmes en politique. Et il y a des femmes lucides, il y a quelques femmes lucides hein, qui vous diront la même chose. C'est-à-dire qu'elles vous diront qu'il ne faut surtout pas mettre de femmes à quelque poste de responsabilité en politique que ce soit. Surtout pas. Vous voyez ? Et ça, c'en est la démonstration. Il faut arrêter avec ça. Moi, j'avais des amis étrangers, j'ai essayé de leur expliquer le concept de parité. Vous connaissez la parité, nous, on subit ça en France depuis des années maintenant, où n'importe quelle liste qui se constitue pour se présenter à une élection est contrainte d'avoir 50% de femmes, sinon il y a des sanctions financières. Ils n'en revenaient pas. Et ils venaient de pays occidentaux où il y avait déjà du féminisme. Mais ils n'en revenaient pas. C'est-à-dire que nous sommes déjà, nous, en France, dans un paradigme féministe très radical déjà. Et on met des greluches à des postes à responsabilité, non pas parce qu'elles sont compétentes, mais simplement parce qu'elles ont une chatte. Je ne sais pas si les gens mesurent le degré de folie dans lequel on évolue rien que là-dessus. Voyez ? Alors bon, on met des femmes à tous les niveaux, voilà, simplement parce qu'elles ont des nichons, et voilà. Évidemment, quand elles sont en responsabilité, elles parlent comme des assistantes sociales. Et là, avec toute la séquence afghane, ça a été une surenchère. Je ne vais pas citer toutes les mairesses, là, mais la maire de Poitiers, la maire de Rennes, la maire de Nantes, la maire de Strasbourg, c'est on ouvre tout. On ouvre les frontières, on ouvre les fenêtres, on compte pas les sous, ramenez tout ce que vous pouvez des montagnes de l'Hindou Kush. Et on recouvre le pays de ces Afghans qui ont tous des sales gueules, parce que j'insiste, l'Afghan moyen a une sale gueule, et à côté nos Algériens ont des allures de gentlemen, je veux dire. C'est absolument horrible. Et ils vont vous en foutre partout. On va y revenir aussi, quoi. Mais ces femmes sont folles, on leur donne des responsabilités, elles ouvrent grand les fenêtres, les portes, et là, c'est parti. Allez-y, voilà. C'est nous qui sommes fous, je veux dire, là, au bout d'un moment, je veux dire, si les hommes blancs continuent à adhérer à ce principe de parité en politique, et même de laisser les femmes se faire élire, bah vous étonnez pas d'avoir à la clé une catastrophe. On va avoir une catastrophe. On a déjà la catastrophe, mais ça va prendre des proportions hallucinantes. Voilà, voilà ce que je voulais dire. Voilà, bon, évidemment, je vais pas me faire que des amis, mais j'ai l'habitude. Mais bon. C'est une histoire de parité et d'autant plus une folie qu'en plus d'un point de vue pratique, vous savez, c'est vous avez la tête de liste, par exemple un homme, deuxième une femme, troisième un homme, quatrième une femme, etc. Je veux dire, d'un point de vue pratique, pour trouver des gens comme ça, parce qu'en plus, il faut être honnête, les gens qui ont une vocation comme ça à se lancer en politique sont normalement majoritairement des hommes. Donc vous avez en gros dans les têtes d'affiche de femmes qui vont se faire élire au Conseil Général, des gens qu'on a mis parce qu'il fallait absolument remplir une case, quoi. Voilà, des bouches-trous. Exactement. Qui n'y connaissent rien. Mais qui se font élire. Qui vont, parce qu'en plus, la démocratie, voilà, on en parle aussi, mais c'est ça, c'est un système où la masse est manipulée très facilement, et elle oublie très vite, et puis cette conne-là, donc je sais qu'elle est, elle est candidate à la primaire écologiste là, pour la prochaine présidentielle, peut-être qu'elle va faire un bon score, on ne sait pas, les gens auront oublié la connerie qu'elle a balancée la semaine dernière, quoi, tout simplement. Balkany, il a été élu, réélu pendant 20 ans à la mairie de Levallois-Perret, hein. C'était ouais, pas un mec qui pique dans la caisse et tout, ouais, c'est bon. Lui, c'est plus parce que c'était un clientéliste, c'est-à-dire qu'il a des clientèles, donc tu vois, c'est pas parce que c'est de la corruption, quoi, tu vois, c'est-à-dire que c'est donnant-donnant. Lui, il se fait réélire parce qu'il a des clientèles, des gens qui l'arrosent de fric, il y a des passe-droits, etc., donc il est reconduit. C'était ça la mécanique, ce qui n'est pas spécifique d'ailleurs à sa commune, hein. Mais c'était ça qu'il faisait reconduire. Mais là, c'est plus un. C'est plus la corruption propre d'ailleurs à la démocratie aussi, ou en tout cas cultivée à l'état naturel dans la démocratie, que l'aspect purement... voilà. Mais oui, je veux dire, bien sûr, normalement les gens devraient fuir ce genre d'oiseau, et c'est pas ce qui se passe, bien sûr. Alors messieurs, puisqu'on parle d'ouvrir... bon, enfin, oui, de repeupler la France d'Afghans, en plus du reste, hein, rassurez-vous. Emmanuel Macron a fait a accordé une longue interview au Journal du Dimanche dans laquelle il déroule son programme. Alors là, il est dans un concours de popularité visiblement dans le monde musulman. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Asseyez-vous, soyez bien assis, accrochez-vous. Je ne vais pas vous demander de vous détendre parce que ça va être impossible. Mais voilà, le programme d'Emmanuel Macron. Alors, je cite, hein. Alors, donc ça, c'est Macron qui parle, hein. Nous avons encore sur nos listes plusieurs milliers d'Afghans et d'Afghanes que nous souhaitons protéger, qui sont à risque en raison de leurs engagements, des magistrats, des artistes, des intellectuels, mais aussi beaucoup d'autres personnes qui ont été signalées par des proches et dont on nous dit qu'elles sont à risque, détaille le chef de l'État. Donc, je précise qu'à ce stade, il y a 3000 à peu près Afghans qui ont plus ou moins été... importé en France là en quelques jours. Donc l'interview continue. Et puis, il y a de nombreuses femmes qui ont été éduquées ces 20 dernières années, en particulier dans les villes, et qu'on doit aider à échapper à la répression. Comment ? Avec quels moyens ? Puisque l'ambassadeur de France, David Martinon, et son commando de diplomates ont fini par quitter l'Afghanistan vendredi soir pour Abu Dhabi. À Bagdad, samedi, le président a annoncé que des discussions avaient été entamées avec les talibans à Doha et avec le Qatar afin, je cite, « d'aménager des opérations de pont aérien ». Voilà, Macron est en discussion avec les islamistes, même les djihadistes talibans, hein, pour maintenir le pont aérien. À l'Élysée, vendredi, le chef de l'État nous avait tracé les grandes lignes de son plan. Donc là, je cite encore le président de la République, hein. Ce que nous cherchons à faire, c'est de pouvoir organiser des opérations humanitaires ciblées pour des évacuations qui ne se feront pas par l'aéroport militaire de Kaboul. Il s'agit de protéger ces Afghans menacés et de leur faire quitter le pays dans les prochains jours ou les prochaines semaines. On verra si cela peut se faire par l'aéroport civil de la capitale ou par les pays voisins. C'est d'ailleurs l'une des conditions préalables que nous posons à toute relation avec les talibans, c'est-à-dire la capacité qu'auront les alliés à parachever leur opération humanitaire. L'asile que la France offre est constitutionnel, il protège les combattants de la liberté, je cite, hein, et celles et ceux qui sont menacés. C'est notre devoir. Donc ça, c'est Macron qui parle. Donc, hein, il menace les talibans, laissez-nous nous faire envahir, sinon ça va barder. Pour concrétiser cette démarche, le président français veut créer avec ses partenaires une zone protégée dans la capitale afghane que les Afghans sur le départ pourraient rejoindre avant de quitter le pays. C'est tout l'objet de la résolution que la France voudrait proposer lundi avec les Britanniques au cours de la session d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies convoquée par le secrétaire général Antonio Guterres. Notre projet de résolution vise à définir sous contrôle onusien une safe zone, donc en français une zone sécurisée, à Kaboul, qui permette de continuer les opérations humanitaires. C'est très important. Cela donnerait un cadre des Nations Unies pour agir dans l'urgence et cela permettra surtout de mettre chacun devant ses responsabilités et à la communauté internationale de maintenir une pression sur les talibans. Je vois pas comment, mais bon, je n'y vois pourquoi, je sais pas. Donc Emmanuel Macron est impatient de voir si Pékin et Moscou prendront le risque de s'y opposer, au risque de passer dès lors pour des complices objectifs des exactions talibanes déjà recensées par les organisations de défense des droits humains. Il y aura des flux importants. Ça, c'est Macron qui parle. Parce que des filières vont se mettre en place pour des gens qui ne sont pas forcément en danger immédiat et qui voudront partir, insiste à nouveau le chef de l'État. Selon le HCR, donc le bidule onusien en charge donc de repeupler l'Europe avec des bougnoules, il y a déjà 850 000 réfugiés afghans en Iran et 1,5 million au Pakistan. Et le président Tadjik, avec qui je me suis entretenu il y a deux jours, m'a dit qu'il y avait une forte pression à sa frontière. Il faut évoquer cette question migratoire avec beaucoup d'humanité, de transparence et le sens des responsabilités pour ne tomber dans aucun discours démagogique. Humanité, à commencer par celle que l'on doit aux Afghans déjà présents sur le sol européen et qui étaient menacés il y a encore quelques semaines d'être renvoyés chez eux, question hein, de la part du journal du dimanche. Ceux à qui nous avons refusé l'asile, donc depuis la prise du pouvoir à Kaboul par les talibans, ne pourront plus être reconduits chez eux dans le contexte actuel. C'est vrai aussi pour beaucoup d'autres pays européens. Notre taux de protection en France est le plus important. Donc protection, c'est donc le taux de réception positive des demandes d'asile, hein. 89% pour l'asile et la protection subsidiaire. Mais il faut donc à nouveau se coordonner entre Européens pour éviter les dysfonctionnements, sinon nous verrons des Afghans, certains étant déjà là depuis des années ou des mois, tourner dans toute l'Europe en quête du pays qui leur offrira le meilleur accueil. Il faut traiter ce sujet sans hypocrisie. Voilà, alors, je résume le projet de Macron. Il veut créer une zone, en fait, une espèce d'annexe de Roissy, à Kaboul, où n'importe quel Afghan, ou ressemblant à un Afghan, ou se disant Afghan, pourra demander à se faire évacuer direction la France. Il suffira de dire qu'il se sent menacé pour sa vie à cause des affreux talibans. Et alors, ils seront ensuite pris en charge. Alors, n'est pas encore décidé le modus operandi, est-ce qu'il y aura une piste aérienne à Kaboul qui sera prête et les avions de l'armée française prendront directement en charge ces futurs Français sur place. Est-ce qu'on les fera transiter par des aéroports voisins? C'est-à-dire, est-ce que depuis Kaboul, on enverra ces gens-là à Islamabad ou bien dans des capitales voisines pour prendre des avions en direction la France? La question est encore posée, mais le principe est le suivant. Nous avons maintenant, enfin c'est ce que veut Macron, une zone d'absorption permanente, établie à Kaboul, pour pomper je ne sais combien d'Afghans, et ceux qui sont déjà présents, et ceux qui vont continuer d'arriver, alors à pied, à cheval, en voiture, je ne sais pas comment, on ne pourra plus les virer, donc ça c'est clair, voilà, on ne les verra plus jamais, il n'y aura plus jamais un Afghan qui se pose, ils ne sont jamais virés de toute façon, mais bon, voilà, au moins c'est clair. Voilà, alors voilà le grand programme d'Emmanuel Macron. Alors je précise une donnée qui n'est peut-être pas connue de nos auditeurs, donc l'Afghanistan est passé en 20 ans d'occupation américaine de 20 millions d'habitants à pratiquement 40 millions d'habitants, la population a doublé. Et donc, eh bien, ça fait beaucoup de bouches à nourrir. Je pense que les talibans sont quand même très preneurs de ce projet qui consiste en fait à se débarrasser hein, du trop-plein démographique, d'autant qu'Emmanuel Macron est chaud. Hein, il est chaud comme la braise, là. Alors, je vous demande maintenant, par la force des choses, messieurs, vous allez payer, hein, et puis c'est vos futurs voisins aussi quand même. Qu'est-ce que vous en pensez de ce projet inédit, hein, je crois pas qu'on en ait d'équivalent, alors à moins que vous me disiez, mais si, parce que finalement, c'est un peu le même rôle de l'ambassade de France en Algérie depuis toujours, ça pourrait se défendre comme point de vue, mais qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis en désaccord avec tes conclusions, Gandalf, parce que les critères de sélection énoncés dans l'article, ils ont l'air assez stricts, hein. C'est-à-dire qu'on importera tous ceux qui combattent pour la liberté. Oula, ouais. Abdoul, t'aimes bien la liberté? Ouais, ça va. Bah viens. Voilà, bah, c'est bon. Voilà, fois 20 millions. Ouais, y a pas de plafond, hein. Alors, remarquez comment l'arnaque a été mise en place. C'est-à-dire, mais ça, c'était génial de manipulation médiatique. Je voulais m'arrêter un peu là-dessus, mais ils ont commencé, vous savez, avec des... Ah ouais, mais il faut sauver la cinquantaine d'interprètes qui ont aidé l'armée française. Et ça a commencé comme ça, vous savez. On a fait appel, en fait, au sentiment patriotique. Évidemment, tous les cons de droite sont tombés dans le panneau. Ça ne pouvait pas ne pas se passer comme ça. Ils ont sorti les drapeaux tricolores. Oh, l'armée française, jamais le sort des harkis une deuxième fois. Non, ça n'a pas loupé. Bon. Alors bon, on a même eu, comment dirais-je... Ravier. Oui, Stéphane Ravier, qui, alors lui, il voyait des interprètes partout. Pourtant, il y a quand même beaucoup de bougnoules à Marseille. Hein. Moi, je me disais, évidemment pas assez. Lui, il voulait des interprètes. Alors maintenant, il va en avoir. Il va pouvoir étudier le pachtoun. De toute façon, il n'aura pas le choix, puisqu'il va vivre au milieu des pachtouns. Donc, il va bien savoir qu'il parle leur langue. C'est bizarre d'avoir cette histoire d'interprète, parce que tous les Afghans parlent français, vu qu'ils récitent Victor Hugo sur le bout des doigts. Ah oui, mais ça, c'était en farsi. Ah ouais. En perse. En pour moi. Ah. Ah, petite nuance. Donc voilà, donc ça a commencé avec quelques dizaines d'interprètes. Et on disait, ouais, voilà, l'honneur de la France est en jeu, l'honneur de l'armée française. Bon. Puis moi, j'ai vu les zéros s'ajouter. J'ai vu que tout d'un coup, les 50, ils sont devenus 500. Puis ensuite, on a dit, allez, il y a la famille. Ah oui, ouais, quand même pas prendre les interprètes, laisser la famille. Ah ouais, là, c'est vrai. Et puis là, c'est, ah oui, mais ça fait 5000 en fait sur le papier. Ah oui, ça fait 5000. Puis là, on nous dit maintenant, ah oui, non, mais en fait, c'est les combattants de la liberté. C'est les femmes éduquées. Dans les villes, ouais. Et puis c'est comme tous ceux qui se sentent menacés par les talibans. Et puis une fois que t'en acceptes un, bah regroupement familial oblige, bah t'as toute la smala qui arrive, hein. C'est automatique. Donc c'est à dire que pour un combattant de la liberté théorique, hein, parce que quand ils ont l'occasion de se battre là, il y a 2-3 semaines là, bon ils ont pas longtemps combattu pour la liberté quand même. Hein. Et ben on va se taper pour un combattant de la liberté, ben on va se taper toute la famille élargie, hein, voilà. Ce qui fait que là on a signé en théorie virtuellement pour je ne sais pas combien de centaines de milliers de je sais pas combien, mais bon, y a pas de fin. Quoi. Je crois Gandalf que tu fais fausse route. Honnêtement tu fais fausse route. J'aime bien. Tu ne comprends pas ce qu'est la liberté. Parce qu'en fait, ces gens-là, ce sont vraiment des combattants de la liberté. Mais pas la liberté des Afghans en Afghanistan, non. C'est notre liberté à nous qu'ils vont venir défendre. Ah. Parce que ces gens-là, ils vont être en première ligne contre le fascisme, ah, en première ligne contre le racisme, et en première ligne contre l'ignominie des ignominies, l'antisémitisme. Le qui ne passera pas. Alors là, je sais pas par contre. Il y a eu une petite étude qui est passée là-dessus, une étude d'opinion hein, en Afghanistan. Je crois que c'est des organismes américains qui avaient fait ça. Et ils disaient que grosso modo, entre 85 et 90% de la population soutenait l'application stricte de la charia, la loi islamique. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que, alors évidemment, les médias comme BFM, ça, ils vous peignent un truc, une espèce de roman hollywoodien, si vous voulez. Vous avez les... J'ai bien aimé sur BFM, ils ont réussi à trouver une espèce d'Afghan, une espèce d'instapute qui a été présentée comme une espèce d'artiste ou je sais pas quoi, je sais pas trop. Bref. Et en fait, j'ai vu une artiste peintre qui écrivait des poèmes pour la liberté. Je sais pas ouais, si c'est ça. Non, bah, voilà. Non, mais c'est-à-dire qu'ils vous mettent ça, un truc comme ça qui est improbable. Ils présentent ça à toutes les bobonnes qui sont sur Facebook, qui sont sur BFM en train de regarder ça, et qui se disent que ça, c'est la femme moyenne afghane, si vous voulez. Vous voyez ? Ils se disent que c'est ça, l'afghane de base. Alors, à mon avis, on ne verra pas beaucoup d'afghaneux, d'ailleurs. Hein. On va voir beaucoup d'afghans, surtout. Mais alors, donc, entre le coup des interprètes, les héros de la liberté, là, et puis en plus, il n'y a pas de plafond, bah, maintenant, on va les voir arriver, là, vous voyez. Vous allez voir que entre ce qui nous a été vendu par BFM Drahi et ce qu'on va effectivement recevoir sur notre palier, va y avoir quand même une différence. Hein. Je veux dire, vous savez, c'est comme les emballages dans les supermarchés. Vous savez, les boîtes, elles sont très très grosses et tout, c'est appétissant et tout. Puis vous ouvrez le truc, c'est une espèce de pauvre machin. Déjà, ça fait deux fois moins de taille et puis c'est dégueulasse. En fait. Bon bah là, c'est un peu le même projet quoi. Mais ça y est, c'est bon. Là, on va être noyé quoi. On va être noyé. Alors, il y a une petite phrase aussi dans le propos de Macron. Il dit, oui, il faut s'organiser au niveau européen parce que quand même, etc. Alors là, vous le voyez revenir. C'est-à-dire que, parce qu'il n'arrête pas, hein, ces gens, hein, Macron et tous les sodomites qu'il y a autour de lui, là, leur obsession, c'est pas seulement la France. C'est-à-dire que c'est d'en mettre partout en Europe. C'est de saloper racialement toute l'Europe. C'est pas simplement la France. Donc là, ils vont dire, ah ouais, mais il faut faire un truc européen. Et les Hongrois, vous attendez quoi pour les droits de l'homme? Et les Polonais, vous attendez quoi pour les droits de l'homme? Et vous, là, les Estoniens, vous attendez quoi pour les droits de l'homme? Ça va pas arrêter. C'est à ça que sert le pacte de Marrakech. Oui, c'est bien d'observer. C'est marrant parce que le pacte de Marrakech, il devait servir à rien, puis en fait, il sert. Bizarre. Oui, il n'était pas contraignant, mais bon, la contrainte va seulement arriver avec un temps de retard, quoi. Maintenant, la liberté, les Afghans qui veulent la liberté, les combattants de la liberté, c'est pas faux, hein. Parce que moi, si j'étais taliban, eh bien, je donne la liberté à tous les pouilleux qui traînent dans les culs de basse fosse d'Afghanistan et dans les asiles psychiatriques. Et je les envoie en masse sur la zone protégée par les autorités françaises pour les remballer en Europe. Ce serait formidable. On a déjà plein de cinglés. On en aura encore plus de criminels, etc., etc. C'est une bonne affaire pour les talibans. Bon. C'est ce que Cuba avait fait en envoyant tous ses déchets aux États-Unis. Et puis, il y avait des comptes gauchistes qui voulaient absolument accueillir plein de Cubains. Et puis, en fait, ils se sont rendus compte que Castro, en fait, il a envoyé des criminels, toute la merde dont lui ne voulait pas. C'est d'ailleurs le pitch du film très connu Scarface avec Al Pacino. Oui, en tout cas, les Afghans ne seront pas dépaysés, puisqu'en France aussi, on ne peut pas sortir de chez soi le visage découvert. Hein. Donc, ça, c'est bien, il n'y aura pas de... Ils vont s'acclimater très vite. Alexis, tu voulais donner ton sentiment sur ce pont aérien permanent voulu par Emmanuel Macron. Oui, sur la volonté de Macron de vouloir faire venir autant d'Afghans, un des critères retenus, c'est la liberté. Voilà, donc quand on sait ce qui nous est arrivé concernant nos libertés durant ces derniers mois, je pense que c'est quand même un petit peu fort de café, mais... la liberté est un peu de ces mots magiques qu'on peut utiliser en communication un petit peu n'importe comment. Le mariage pour tous avait été validé par Najat Belkacem comme étant promoteur d'égalité et de liberté. Donc, vous voyez, on peut dire ce qu'on veut, en fait. Oui, c'est, mais de toute façon, ces gens-là, donc il y a un cynisme, hein, parce qu'évidemment, leur grande politique, c'est d'importer des esclaves pour compenser le déficit démographique. Évidemment, en les payant quand ils sont employés à quelque chose qui est loin d'être le cas, c'est pour les payer 3 francs 6 sous dans des services à bas coût pour les bobos, hein, typiquement Uber Eats et compagnie, hein, c'est ça. Hein. Donc derrière les grandes envolées lyriques sur les grands principes, etc., il y a un cynisme, évidemment, non seulement de la grande finance, mais aussi du CAC 40 et de tous les grands membres éminents de l'oligarchie. Donc il ne faut pas être dupe des mots qu'ils utilisent, et de la manipulation qui s'ensuit, mais il y a aussi une radicalisation de cette mystique démocratique sans frontières, c'est-à-dire que ce qu'ils n'ont pas réussi en Afghanistan, importer la démocratie, est censé réussir en Europe en important l'Afghanistan. Bon, évidemment, les mêmes causes produisant les mêmes effets, c'est-à-dire le rejet par les Afghans de la démocratie va se reproduire en Europe, enfin la démocratie, tout ce système-là, et eux, ce qu'ils vont importer, c'est leur conception, des conceptions islamiques, archaïques, qui leur sont propres, et ne reviendront pas là-dessus, elles ne seront pas négociables. Donc c'est la recette pour un nouveau désastre qui va s'ajouter au désastre plus général de l'immigration non-blanche en Europe, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est pas comme si on n'était pas informé, mais les conséquences raciales sont absolument effrayantes, je veux dire, on est en train d'importer des populations archaïques présentes depuis des millénaires en Asie centrale et en quelques jours, ils se retrouvent dans les campagnes de France. Donc si vous voulez, à l'échelle de l'histoire française, c'est un cataclysme génétique. D'accord ? Donc l'incurie d'ordures comme Emmanuel Macron, de traître compulsif, pour même pas parler de son narcissisme pathologique, produit des effets absolument désastreux à long terme. Hein, je veux dire, parce que là, on est en train d'importer des villages afghans entiers. Voilà. Alors, en plus de tous les villages du bled algérien, de toutes les, tous les villages d'Afrique noire, de Somalie et d'ailleurs. Je veux dire. Donc, c'est un véritable cataclysme. C'est un véritable cataclysme. Et quand on, très bientôt, hein, parce qu'au rythme où ça va, très bientôt, quand on sera vraiment dans les rues d'une agglomération française, je ne sais pas, mais même de plus de 5000 habitants, si vous voulez, vous serez... Enfin, ça sera une synthèse de la Gambie, de l'Algérie, du Soudan et du Pakistan, quoi, hein. Vous serez là-dedans. Hein. Donc, ça sera absolument invivable. Absolument invivable. Et bon, je veux dire, voilà. Ça, c'est, et ça nous est vendu comme étant un conte de fées démocratique, le summum de la, de, le summum de la réalisation des droits de l'homme. Et vous avez des connes de blanches, parce que je l'observe, sur les réseaux sociaux qui en veulent plus. Quoi. Voilà. Alors, je constate quand même, je ne vais pas dire que les réactions sur les réseaux sociaux sont extatiques, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas du tout à l'arnaque qui leur est présentée, mais en dépit du fait de leur scepticisme, eh bien, il n'y a pas davantage de réactions. Quoi. C'est, voilà, c'est-à-dire que les gens, ils restent là... comment dire, dépité, résigné et constatant l'invasion organisée au plus haut niveau par cette ordure de Macron, quoi. Voilà, hein, je veux dire. Et encore une fois, simplement pour une question, alors évidemment, il y a l'agenda de des élites, mais du point de vue de Macron, c'est simplement, de la part de ce petit merdeux, de briller sur les réseaux sociaux. C'est vraiment ça, hein, c'est, voilà, il veut faire du retweet. Et ensuite, aller dans ses cocktails mondains et dire, vous avez vu, ah, j'ai... Ah, on est des héros de la démocratie, enfin, c'est de ce niveau-là, quoi. Et ensuite, pour tous les siècles futurs, enfin, si jamais il n'y a pas de grand nettoyage qui a lieu d'ici là, vous avez l'Afghanistan dans les campagnes de France. C'est le niveau de gestion. Un peu, mais il y a une promotion, oui, systématique, plus c'est exotique, mieux c'est, hein, parce que quand il y a eu, par exemple, récemment, l'Azerbaïdjan qui a attaqué une partie de l'Arménie, dans le Haut-Karabakh, on a... Bon, je sais que les Arméniens ne sont pas tout à fait comme nous non plus, ils ne sont pas tout à fait européens, mais enfin... Ils font partie des peuples chrétiens, des premiers peuples chrétiens d'ailleurs. Donc, je pense qu'il y en a un certain nombre qui sont venus en Europe, notamment après 1917, qui s'est passé. Les Turcs qui ont cherché à les liquider. Là, quand il y a eu ça, on n'a pas parlé de dire que les Arméniens devaient tous venir en France. Ou quand l'Ukraine a eu quand même une déstabilisation de son territoire en 2014, après les événements de Maïdan, on n'a pas dit non plus qu'il fallait faire venir les Ukrainiens ou les Ukrainiennes. Bon. Voilà, donc les Rohingyas, par contre, recueillent davantage d'attention, ou bien maintenant les Afghans, bon, voilà, c'est plus exotique, mieux c'est. Plus c'est marron. C'est jamais les Serbes, tu vois, c'est les Serbes non plus, non, c'est que ce soit quelqu'un marron, quoi. Il faut que ce soit marron et musulman. Sinon, tu n'arrives pas à entraîner l'adhésion extatique des cercles homosexuels qui contrôlent la France avec l'aide des Juifs. Ou sous la supervision des Juifs. C'est pas la peine. Il faut que ça soit marron et musulman. Voilà. Ah non, si c'est blanc, ça passera pas. Et ouais, puis homme, hein. Ouais, faut préciser ça aussi. Hein. Oui, ça, c'est plus pour intéresser les femmes, hein, comme Sandrine Rousseau, donc. Voilà. Il y a beaucoup de Français, peut-être, qui seraient prêts à accepter des jeunes femmes serbes, vous savez, les persécutés dans leur pays, en France. Hein. Oui, mais les jeunes Russes qui souffrent sous Russes, Poutine, monsieur, hein, monsieur. Voilà, elles souffrent terriblement sous Poutine. Peut-être hein, faire venir 10 millions de jeunes Slaves, des Svetlana, hein, c'est peut-être par charité chrétienne, je ne sais pas. Non, il y aura Abdoul. Ouais, on aura plutôt Abdoul, ouais. Enfin, voilà. C'est de la folie furieuse. Mais il n'y a pas d'opposition structurée, hein, donc il n'y a rien, je veux dire, il se passe... En même temps, quand tu vois que les judéo-serviles de génération identitaire se font dissoudre ayant des problèmes avec la justice pour avoir porté des doudounes et posté des photos d'eux en doudounes dans un col de montagne... Ouais, je te l'accorde, ouais. Non, mais on en est là, quoi. On en est là, ouais. Non, mais ouais, voilà, c'est un fait aussi, quoi. Voilà, enfin bon, voilà, vous êtes avertis du programme de Macron avec l'Afghanistan... Ça va saigner. Hein. Ça va saigner littéralement, je veux dire, dans les rues, hein, sachez-le. Et moi, ce qui me frappe, c'est peut-être ça aussi, je n'ai peut-être pas parlé de ça, mais on connaît la dynamique de l'immigration depuis les pays musulmans. Avec le cas syrien, on a eu un exemple. Et avec le cas afghan, c'est évident que dans le flot, vous allez avoir des tas d'islamistes, des anciens talibans, ou pas si anciens que ça d'ailleurs, enfin des gens qui, une fois qu'ils ont pris le pouvoir dans leur pays, maintenant veulent venir se la couler douce en Europe, violer des blanches, dealer de la drogue, assassiner des couffards. On sait qu'il va y avoir des terroristes. Je veux dire, on le sait. Enfin voilà, c'est mécanique. Ils en ont déjà chopé un. Ouais, un qu'ils ont repéré. Combien d'autres n'ont sont passés sous les radars? Bon. Parce qu'il n'était pas exactement chez nous. Faut le mettre dans ta piole, Gandalf. Là, tu peux bien le surveiller. Ah oui, voilà, c'est ça. Mais non, mais n'empêche que c'est ça. Donc, on le sait que ça va se passer. Et ça n'empêche que ce système continue, remet le couvert. Moi, j'attends que le prochain Afghan égorge un infidèle dans les rues de France. J'attends ça, voilà. Et là, vous allez voir la presse là, qui exige, la Ouest France est en train de hurler, il faut des Afghans dans pratiquement un par pavillon, je veux dire. Ils en veulent partout. Et ben, là, vous allez voir que ça va vite être étouffé, toutes ces histoires-là. Mais alors c'est moi, évident. Ça ne dérange pas qu'on les envoie dans la rédac de Ouest France. On va peut-être inviter nos amis afghans à aller visiter les journalistes, peut-être, alors, dans ces conditions. Hein, voilà, on n'a qu'à faire ça. C'est mes frères Kouachi qui voulaient visiter les journalistes. Ben voilà. Non, mais ça va être marrant parce que, évidemment, dans l'eau, il y aura des islamistes, évidemment, il y aura des djihadistes, évidemment, certains vont faire des attaques à caractère islamique, pilotées par des groupes radicaux divers et avariés, bien sûr. Et là, quand ça va arriver, vous allez voir les mêmes enfoirés de journalistes, les mêmes ordures du showbiz qui auront chialé pour accueillir toute cette vermine, qui vont dire « Oh, Charlie Hebdo, notre liberté d'expression, nos valeurs ça va être ça, quoi. C'est-à-dire que les mêmes qui sont à la racine de cette catastrophe vont être ceux qui vont se mettre en avant comme les grandes consciences de la République menacée. Enfin, on est chez les fous, quoi. On est chez les fous. Mais il n'y a pas de révolte face à cette folie. Bon, après, Hoffman me dit, oui, mais quand tu mets une doudoune, tu passes devant le juge. Donc, j'ai dit, effectivement, il y a ça aussi qui rentre en compte. C'est vrai. Voilà. Mais bon, moi, je suis, somme toute, sidéré devant ce spectacle et devant le numéro de Macron et de toutes les rombières non-border, là, à toutes les retraitées de la fonction publique de l'éducation nationale, là, elles vont être heureuses, là, parce que ça va livrer sec de l'Afghan. Là. Ah, j'ai oublié de préciser que Madame Rousseau est prof. Enfin, ouais. J'ai quand même cette petite précision. Je suis étonné. La rubrique numéro 2, les amis, la tyrannie sanitaire, il y a quand même des informations assez importantes à passer, je veux dire, pour l'archivage même, mais qui corrobore ce qu'on a annoncé ici depuis un bon moment. Premier truc, c'est sur Fox News, Albert Bourla, le juif Bourla, à la tête de Pfizer, qui a reconnu une chose qu'on a longtemps annoncée ici. Alors je vous lis ça, c'est pas très long. Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a déclaré mardi que la société, donc sa société Pfizer, pensait qu'une variante résistante au vaccin contre le Covid-19 allait probablement apparaître un jour, bien que la société ait mis en place un système permettant de produire un vaccin spécifique à cette variante dans un délai de 3 mois environ. Chaque fois qu'une variante apparaît dans le monde, nos scientifiques s'y intéressent, a déclaré M. Bourla à American Newsroom sur Fox News. Ils font des recherches pour voir si cette variante peut échapper à la protection de notre vaccin. Nous n'en avons pas encore identifié, mais nous pensons qu'il est probable qu'un jour, l'un d'entre eux émerge. M. Bourla a fait état d'un processus d'entreprise visant à développer un vaccin spécifique à une variante dans les 95 jours suivant l'identification de la variante préoccupante. Les experts en maladies infectieuses et les responsables de la santé publique répètent depuis des mois que l'élargissement de la portée des vaccins existants à l'ensemble de la population aux États-Unis et à l'étranger réduira les possibilités de mutation du virus. Alors messieurs, ça y est, c'est officiel. De la bouche menteuse, hein, bien sûr, Bourla, eh bien finalement, il y aura un variant qui finira par être résistant au vaccin. On l'a longuement expliqué ici, pour des raisons évidentes, ce qu'on ferait à nos émissions sur le sujet des derniers mois. Mais bon, voilà, l'aveu est là. Est-ce que quelqu'un veut réagir là-dessus, sur le fait que finalement, ce vaccin qui devait tout résoudre, hein, on nous avait dit ça, j'ai dit ça il y a plusieurs émissions aussi, Karine Lacombe, décoré par Macron, qui expliquait au mois de mai dernier, c'était il y a 3 mois, à peu près 3 mois, le vaccin allait casser, je cite, la transmission du virus. C'était terminé, on allait mettre un coup de frein à la transmission du virus. 95% de la transmission allait être rendue impossible par la vaccination. C'était entendu. Deux piqûres, on n'en parle plus. Ah, eh bien non, en fait, eh bien non, il y aura un variant qui sera résistant au vaccin. Mais rassurez-vous, dans les 3 mois, on aura un autre vaccin qui sera adapté et vous n'aurez qu'à prendre votre piqûre et ça sera bon. Voilà, 3 mois, évidemment, expérimental, un vaccin en 3 mois, pensez bien qu'il n'a pas été testé, hein, vous comprenez bien. Alors, votre avis là-dessus, sur cet aveu? En fait, c'est déjà un élément de la communication actuelle d'Israël, notamment, qui a vacciné à tour de bras, bien que certains disent oui, les juifs orthodoxes, certains ont refusé le vaccin. Quand même, ils sont à plus de 80% de couverture. Et pourtant, ils sont en train de refermer leurs activités, de faire de la quarantaine. Les hôpitaux sont pleins. Plein de professeurs disent que 90% des gens hospitalisés sont vaccinés. Donc là, leur seul argument maintenant, c'est de dire que ça protège des formes graves. Mais soi-disant, pourquoi ça marche pas en ce moment en Israël? Parce que le variant Delta est soi-disant résistant. Donc c'est déjà un élément de leur communication. Moi, à titre personnel, je suis plus inquiet de ce qu'il y a dans le vaccin et des conséquences sur la coagulation du sang, notamment, que d'un variant. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir un variant qui soit très, très dur, mais jusqu'à présent, ce qu'on a vu, les deltas et tout ça, étaient normalement plus contagieux, mais pas forcément plus mortels. Donc, bon, on verra ce que l'avenir nous réservera, mais bon. Oui, enfin, le risque par rapport à la vaccination, à l'échec de la vaccination qui a été annoncé par Geert Van den Bosch, je l'ai cité à plusieurs reprises, ici, nos auditeurs savent à quoi s'en tenir à ce sujet, c'était justement qu'il y aurait un variant d'échappement immunitaire, thèse qui n'était jamais répercutée dans les médias, et qui maintenant est reconnue par Bourla lui-même, et qui ne dit pas « peut-être », il a dit « ça va advenir », et c'est ce que disait également Van den Bosch. Et ce que disait Van den Bosch, c'était aussi la chose suivante, il disait « la vaccination de masse » a mis un terme à la protection innée offerte par le système immunitaire par une reprogrammation de ce système par la vaccination. Le problème, c'est que vous allez produire, enfin, si vous êtes vacciné, vous allez produire des anticorps qui seront en quelque sorte obsolètes. Donc, vous ne serez pas protégé face à des variants d'échappement immunitaire recombinés entre eux. C'était ça le véritable danger, c'est-à-dire que des gens qui étaient sains à l'origine, qui n'avaient rien à craindre du Covid-19 parce qu'ils étaient jeunes, ils avaient moins de 40 ans, moins de 50 ans, et que ces catégories d'âge n'étaient pas en danger, n'avaient aucun intérêt à être vaccinés. Or, la conséquence contre laquelle met en garde Van den Bosch, c'est celle-là, c'est-à-dire que ces gens-là, maintenant, sont à la merci d'un variant, alors que ce n'était pas le cas à l'état naturel. Et donc les non-vaccinés, eux, avec leur système immunitaire naturel, qui continue de s'adapter aux différents variants, eh bien, vont continuer, leur système va continuer à s'adapter et à leur offrir une protection. Mais avec la vaccination, ça n'est plus possible. Et ça crée ce phénomène. Alors ensuite, ils disent, oui, mais vous en faites pas, hein, on va faire des vaccins adaptés aux variants. Mais vous vous rendez compte du nombre, avec la pression vaccinale qu'ils sont en train de mener, les variants vont continuer d'apparaître. C'est-à-dire qu'il y en avait déjà au départ. Moi, j'ai soulevé la question de leur origine douteuse dès l'origine, mais sous la pression vaccinale, ça génère d'autres variants. Donc, la réponse à des variants, ça ne peut pas être plus de vaccination. Ça va ne faire que produire que d'autres variants. Ça n'arrête jamais. C'est ça l'arnaque, en fait. Et Bourla, en fait, nous annonce l'arnaque. C'est-à-dire qu'il nous dit, voilà, face à des variants résistants, on va vous faire des nouveaux vaccins, soi-disant adaptés, mais qui vont faire que produire d'autres variants, etc., etc. Et là, ça rentre, évidemment... c'est dans la continuité de la stratégie du passeport sanitaire, des restrictions et du contrôle des populations. Voilà, là on voit bien que le but n'est pas médical, le but n'est pas d'en finir avec le virus, sinon en fait on n'aurait jamais confiné et on n'aurait jamais vacciné, on aurait laissé le virus circuler et on aurait laissé les populations avoir une immunité naturelle se constituer dès le départ. Ce qu'on fait, c'est qu'on entretient ce système en favorisant l'apparition de variants, en entretenant ça avec la peur, en disant que voilà, il faut passer par la vaccination, une nouvelle vaccination. Vous avez vu que là, cette semaine, on a dit que 18 millions de Français allaient devoir recevoir une troisième dose. Donc j'ai une pensée pour ceux qui ne sont pas vaccinés, parce que plus on attend, plus on est en retard. Vous voyez, au bout d'un moment, on va avoir 6 ou 7. On n'en aura pris aucune. Mais c'est ça, quoi. Voilà. Alors bon, Bourla a craché la pastille. Voilà, donc il n'y a pas de fin en vue, quoi, dans le projet. Et un autre détail, ça c'est Biden qui en a parlé pas plus tard qu'hier, en présence d'ailleurs du Premier ministre israélien, très révélateur. Il a dit que sur conseil d'Israël, notez bien comment c'est orchestré, sur conseil d'Israël, ils allaient passer à la vaccination tous les 5 mois. Donc aux États-Unis, le discours public est plus en avance que le discours public en France. Et Biden, dans la Maison-Blanche, aux côtés du Premier ministre israélien, citant les conseils des autorités israéliennes, ont annoncé que la vaccination non seulement est perpétuelle, mais qu'elle sera tous les 5 mois. Vous voyez ? Donc on n'est pas loin de ce qu'on avait annoncé ici, c'est-à-dire la vaccination trimestrielle. Donc là, on est à 2,5 vaccins par an, mais rassurez-vous. Ce que disait Biden, d'ailleurs, c'était de dire « oui, on partait au départ sur tous les 8 mois, et en fait, c'est tous les 5 mois, sur conseil des Israéliens, dixit. » Mais s'ils ont baissé à 5 mois, de 8 à 5 mois comme ça, sans explication, vous comprenez bien que d'ici quelques temps, ils vont dire « oui, mais en fait, c'est pas 5 mois, c'est 3 mois ». Donc voilà, donc en fait, les gens qui se sont fait vacciner ont souscrit un abonnement virtuellement perpétuel à la vaccination. Et non, il n'y a pas de retour à la vie d'avant. Voilà, ça c'est le gros truc. Moi, j'étais un peu long, mais moi, je veux qu'on en termine avec ce mythe des deux piqûres et tout est terminé, quoi. Je veux dire, non, voilà, ce qu'on a dit depuis le départ, ça y est, c'est là. À partir du moment où les laboratoires ont réussi à nous vendre l'idée d'un vaccin préparé soi-disant rapidement et de façon géniale, utilisant des techniques révolutionnaires et qui fonctionne parfaitement, dans ce cas-là, après une ou deux piqûres, pourquoi pas nous vendre une troisième, une quatrième ou une cinquième. Après, c'est vrai que les variants, je suis un petit peu dans le doute, et je suis un peu comme Socrate, je sais que je ne fais rien, parce que Van den Bosch a certes expliqué tout ça, c'est pas le seul à avoir parlé des variants, bien sûr, mais il en a parlé avec beaucoup de savoir, un savoir que je n'ai pas, bien sûr, mais dans la réponse qui lui a été faite par Michael Yeadon, par exemple, ancien PDG de Pfizer qu'il a quitté il y a 10 ans et qui a participé à Hold Up notamment, Yeadon a dit oui, d'accord, mais d'après mes recherches, les variants sont proches à hauteur de 99,6% de la souche de base. Donc lui, il estime que c'est pas très différent. Et que finalement, c'est aussi dans le domaine médiatique un élément pour nous dire, bah oui, regardez, on avait un super vaccin, manque de bol, ça varie, ça mute, etc. Donc, je ne dis pas que ça n'existe pas, les variants, mais J'ai une sorte de doute. Le seul que j'ai entendu, parce que bon, il y a eu aussi la question de l'origine du virus artificiel ou pas, nous on avait quand même plutôt été vers la piste non seulement de quelque chose d'artificiel, mais qui aurait été peut-être relâché volontairement. Parmi ceux qui parlent du virus artificiel et des variants, il n'y en a qu'un seul jusqu'à présent que j'ai entendu, c'est Montagnier, qui a dit qu'on pouvait très bien avoir un virus artificiel et une dimension quand même mutante qui est liée d'ailleurs à la vaccination, dit-il. Parce que voilà, il peut y avoir aussi les coronavirus se mélangent entre eux, mais ça n'enlève pas le fait que, selon lui, il y a tout de même un bricolage et des pans entiers d'autres choses qui ont été rajoutées dans ce virus. Voilà. Ah oui, non, indubitablement. Alors maintenant, je voulais aborder un deuxième point. Ça c'est la presse la plus autorisée. Hein. Je veux dire, les sources, c'est pas des trucs conspirationnistes. Ça c'est le Nikkei, un journal japonais, mais qui se contente de répercuter les informations communiquées par le gouvernement. C'est sur la place publique au Japon. J'ai pas vu que c'était commenté en France. Intéressant. Je vous lis ça. C'est aussi assez court. Environ 1,6 million de doses du vaccin Moderna contre le coronavirus ont été retirées de la circulation au Japon en raison de la contamination de certains flacons, a annoncé jeudi le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires Sociales, donc japonais. Donc, c'est les autorités du pays. Plusieurs centres de vaccination ont signalé que des flacons de vaccin contenaient des corps étrangers, selon une annonce du ministère, qui a ajouté qu'il chercherait à minimiser l'impact du retrait sur le programme d'inoculation du pays, ou de vaccination. Alors, ils n'ont pas abandonné le programme. Mais Moderna pose problème. Le ministère a déclaré plus tard dans la journée que la substance qui avait été mélangée pouvait être du métal. Alors là, je cite les autorités, « C'est une substance qui réagit aux aimants », a déclaré un responsable du ministère. Il pourrait s'agir de métal. Donc voilà les déclarations. Donc vous savez, tout le discours, là, on se foutait de la gueule des gens qui disaient que c'était magnétique. Alors je ne vais pas dire qu'en foutant un aimant sur votre épaule, ça reste, je ne vais pas jusque-là. Mais là, ce que nous disent les autorités japonaises, c'est qu'il y a une réaction aux aimants, des substances qui sont présentes dedans, à tel point qu'ils sont obligés de stopper la vaccination qui était prévue pour des millions de personnes. 1,6 million, nous dit-on. Bon, encore un autre élément. Rappelez-vous que c'était soi-disant fact-checké, refact-checké, ça n'existait pas, c'était bidon, c'était du délire, c'était conspirationniste au possible, fallait être complètement fou. D'accord. Bon, donc le gouvernement japonais est conspirationniste, j'en conclus. Donc vous imaginez, ils sont en train de mettre des trucs dans les veines des gens, ils ne savent même pas ce qu'il y a dedans. Enfin, en tout cas, les autorités japonaises ne savent même pas ce qu'il y avait dedans. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que les autorités japonaises au plan sanitaire, que savent-elles, qu'est-ce qu'elles ne savent pas, etc. Visiblement, elles sont restées relativement dans le flou, hein. Ça paraît évident. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vérification, et ils ont été assez transparents, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas cherché à étouffer. Dans la journée, ils ont communiqué, ils ont dit, ben voilà ce qu'on a trouvé dedans. Intéressant quand même. Qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus, par rapport à cette découverte? Oui, ça confirme un peu ce qu'on avait dit au tout début, avant même que les vaccins Covid-19 soient lancés, c'est que un des problèmes, ce n'était pas forcément que dans la seringue, il y ait un virus qui soit normalement inactivé, c'est le principe du vaccin, ce n'était pas forcément ça, c'est qu'on rajoutait de l'aluminium, du mercure, sous la forme parfois du timérosal, du squalène, et on avait parlé aussi des éléments venant de fœtus avortés qui sont utilisés parfois, notamment dans le vaccin contre la rubéole, vaccin ROR, donc... En fait, on sait qu'il y avait des cochonneries dedans. Puis après, on voyait tourner sur des réseaux sociaux, sur Twitter et autres, des gens qui effectivement utilisaient un aimant, qui collaient sur leurs bras. Alors moi, j'ai cru à des conneries et tout ça, comme j'étais pas le seul, hein, à être un peu dubitatif vis-à-vis de ça. Et j'ai écouté une médecin américaine que j'ai déjà citée, Lee Merritt. Elle a parlé en détail de ça et elle dit aussi qu'elle pensait au tout départ que c'était une connerie, mais en fait, non, pas du tout. Il peut y avoir un phénomène électromagnétique, ferromagnétique qui se produit. Donc il existe des substances qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce qu'on nous vend comme étant un vaccin, c'est-à-dire, soi-disant, le virus inactivé qui permet au corps de s'habituer, de se défendre, de produire ce qu'on appelle voilà, des anticorps et tout ça. Là, on a une soupe bizarroïde, donc bizarre, bizarre. Tout à fait, oui. Tout à fait. Bon, et notons que le gouvernement japonais suspend hein, la vaccination Moderna quand même. Donc, qui est l'un des deux principaux vaccins. Sinon, il y a le Pfizer, mais c'est presque du même acabit, hein, de toute façon, et bon, on en a déjà parlé. Alors, toujours dans le sanitaire, hein, parce qu'il faut faire un peu le tour du sujet, donc évidemment, on avait vendu à la plèbe son passeport sanitaire avec une date limite, hein. Vous savez, ça allait durer quelques mois, le temps de détruire le coronavirus et d'atteindre l'immunité collective. Bon, il n'y aura pas d'immunité collective, vous l'avez bien compris, Bourla l'explique d'ailleurs très très bien. Donc si le patron de Pfizer dit qu'il n'y aura pas d'immunité collective, bon, bah, c'est qu'il n'y en aura pas, voilà, donc déjà ça c'est réglé. Du coup, bah, le passeport sanitaire, bah, il va être maintenu, hein, voilà. Alors je cite Véran, ça c'est BFM TV, « Si le Covid ne disparaît pas de nos vies d'ici le 15 novembre, le passeport sanitaire pourrait être prolongé », a expliqué lors d'une conférence de presse le ministre de la Santé et des Solidarités. « Ce pass ne peut être prolongé au-delà du 15 novembre, sans quoi il nous faudrait un nouveau texte de loi » qui serait à nouveau débattu au Parlement, a rappelé Olivier Véran lors d'une conférence de presse. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. Ça pourrait arriver si le Covid ne disparaissait pas de nos vies dans les 3 prochains mois. Le mec se fout pas de notre gueule, déjà, bon, a-t-il ajouté. Donc le ministre a affirmé que les dernières réticences sont en train de tomber face au succès du pass sanitaire. Ah bah oui, c'est un plein succès. Qui, associé, je cite, à un système de tests efficace et à la vaccination massive des Français, a permis, je cite encore, de traverser l'été sans confinement malgré une vague de variants très contagieux. Voilà, bah, c'est un plein succès. Et c'est tellement un succès qu'on va le garder, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez de ce maintien du pass sanitaire, là, ad vitam aeternam? C'est fantastique. C'est, ouais, c'est, ça discrimine enfin les gens civilisés que sont les vaccinés, des obscurantistes... que sont les non-vaccinés, c'est enfin une bonne chose. Mais non, bah, leur narration, c'est en gros de dire à chaque fois qu'il y a des virus très très méchants, et que heureusement que eux, Véran, Buzyn, etc., Castex, Macron, prennent des formidables décisions qui permettent de limiter le virus. Sinon, s'ils n'étaient pas là, qu'est-ce qu'on deviendrait, quoi ? Enfin, franchement... Oui, alors, en tout cas, bon, le passeport sanitaire, vous avez compris, va être prorogé, on va le maintenir. Il dit il faudra voter une nouvelle loi. Bon, bah, vu la chambre d'enregistrement qu'est le Parlement français, ce ne sera pas très difficile, hein, franchement. On va faire voter ça à 5 heures du matin avec 20 députés, et voilà, ce sera réglé. Donc, ils vont le proroger pour 6 mois, et tous les 6 mois, et jusqu'à ce que ça rentre dans la loi, vous connaissez la musique. Bien, donc là aussi, pas de retour. Voilà. Alors l'efficacité, alors ça dépend de l'objectif. S'il s'agissait de mettre un terme au Covid, ben non. Hein. Voilà, on sait maintenant que le passeport sanitaire n'empêche pas la contamination, c'est reconnu. Hein, voilà. Au départ, c'était censé, on l'appliquait pour qu'il n'y ait pas de cluster. Dixit. Bon, puis très vite, on s'est rendu compte que les endroits à passe sanitaire, comme les boîtes de nuit, etc., bon, c'était des clusters comme les autres, que ça circulait. Mais bon. Et c'était plus un problème. Donc, en fait, soi-disant, au départ, le passeport sanitaire devait stopper la transmission, ça ne stoppe pas, mais on le maintient quand même. Alors, il doit être efficace, mais pas pour l'objectif allégué. Il est efficace pour un autre objectif. Bon, vous avez compris lequel, hein, c'est contrôler les populations. C'est jamais que ce qu'on a dit ici depuis le départ. Hein. Bon, voilà. Bon, donc on va le maintenir puisqu'il remplit sa fonction. Il n'y a pas de raison. Voilà, donc voilà, bon, très bien, c'est maintenu. Hein, voilà, donc, bon, mois de novembre, bon, il y aura... Ils vont remettre ça, bien sûr. Et de toute façon, bon, à part les manifestants qui sont dans les rues pour dire qu'ils s'y opposent, etc., là, il y a, je sais pas, peut-être 300 000 manifestants dans les rues ce week-end. Enfin, il y en a eu 300 000. Bon, on va voir à la rentrée ce que ça va donner, mais grosso modo, de toute façon, avec la masse des gens qui sont rentrés dans le cycle de la domestication chimique, bon, il y en a 48 millions au jour d'aujourd'hui. On va atteindre les 50 millions. Bon, il reste une forte minorité, mais on est de toute façon rentré là-dedans. Et le troupeau de veaux est très content d'avoir été domestiqué de la sorte. Donc, d'une certaine façon, l'objectif, en tout cas, dans sa plus grande part, est atteint. Bon, après, il faut voir la taille du nombre de réfractaires. Est-ce que c'est 10 millions? Est-ce que c'est 15 millions? Je ne sais pas. Ça peut être un chiffre assez considérable, mais minoritaire nonobstant. Et ça reste pour ce gouvernement... l'objet d'une très réelle satisfaction qu'il affiche, d'ailleurs. Bon, et puisque nous y sommes, hein, en faisant le tour du pâté de maison, j'ai envie de dire, eh bien, il y a cette réaction intéressante d'un journaliste qui veut, lui, brutaliser davantage ceux qui refusent toujours de se faire vacciner, donc ceux qui ne veulent pas les 3 doses, plus les doses tous les 5 mois de Bourla, sur les conseils de l'État d'Israël, etc. Bon, ça, c'est un journaliste qui s'appelle Moreau, Thierry Moreau, qui s'est exprimé sur RMC et qui a dit toute gauze qui pensait devoir être appliquée aux non-vaccinés. Alors, on l'écoute et on se retrouve. Atteint la vaccination totale de la population, il reste encore des gens qui sont non vaccinés, des réfractaires, notamment, je veux dire, aussi des personnes à risque qui ne sont toujours pas allées se faire vacciner. Est-ce que le fait de taxer au portefeuille, est-ce que ça pourrait être la solution, justement, pour pousser les gens à aller se faire vacciner? Alors, on ne pourra pas le faire parce qu'aux États-Unis, les assurances sont privées, donc c'est l'employeur qui paye, effectivement, c'est lui qui fait la loi. Donc en France, ce ne sera pas possible. Mais moi, je suis pour rendre la vie invivable aux non vaccinés. Je suis pour pourrir la vie des non-vaccinés. Mais ça veut dire quoi, pourrir la vie? Ça veut dire restreindre les libertés de ceux qui sont... Déjà, ils sont obligés de faire 3 tests par semaine, donc enfin, déjà, c'est pas facile. Excusez-moi, mais le gouvernement a fait d'abord de la pédagogie. Ensuite, on a fait de l'incitation. Ouais. Maintenant, il y a le pass sanitaire qui... On va pas se mentir, c'est le titre de votre émission. C'est fait pour que les gens se vaccinent. Si ça fonctionne pas, ben faut être coercitif. Donc effectivement, toucher au portefeuille, éventuellement, pourquoi pas. Je sais pas de quelle manière, parce qu'il faudrait que ça soit constitutionnel. Mais il y en a ras-le-bol que les non-vaccinés nous pourrissent la vie. On est en guerre aujourd'hui contre un virus. On a une arme qui n'est pas l'arme absolue, parce qu'elle ne guérit pas, elle n'empêche pas. Le virus va quand même circuler, mais simplement il circule beaucoup moins. Et surtout, on n'a pas de forme grave. Donc on a une arme à notre disposition. Et il y a une minorité de connards qui ne veulent pas se faire vacciner. Que vous soyez contre le bien collectif. Mais non, mais d'accord, mais Thierry, vous pouvez être contre les gens qui... Alors, vous l'avez entendu. Alors, je cite, « Je suis pour rendre la vie invivable aux non-vaccinés, leur pourrir la vie. On a une arme à notre disposition, donc le fameux vaccin, et il y a une minorité de connards qui ne veut pas se faire vacciner. Il faut les taxer au portefeuille. » Donc c'est des gens, si vous voulez, donc officiellement lui est un journaliste, hein, c'est pas un homme politique, c'est un journaliste, c'est quelqu'un qui est censé uniquement rapporter les faits, rien que les faits. Et vous voyez qu'il rapporte un peu plus que les faits, puisqu'il rapporte aussi son opinion, et il s'improvise même politicien, hein, il a un programme, donc il veut taxer les non-vaccinés, je ne sais pas exactement comment. Alors il a dit qu'il faut réfléchir au plan constitutionnel, voir la faisabilité, quelles dispositions et tout, mais grosso modo, il veut une taxe pour les non-vaccinés. Je sais pas comment faudrait l'appeler, je ne sais pas, mais il faudrait taxer les insoumis, quoi, hein, taxer les Gaulois réfractaires, quoi. Alors, vous en pensez quoi, ça, de cette fuite en avant, là, dans la terreur sanitaire, parce que là, on est... on a quand même le licenciement pour certaines populations, l'assignation à résidence pour les élèves dits positifs au Covid qui ne sont pas vaccinés, etc. Qu'est-ce qu'on a encore? Bon, évidemment, l'interdiction d'une vie sociale aussi avec le pass sanitaire, vous connaissez tout ça. Mais là, Thierry Moreau, lui, veut carrément mettre une taxe en place. Ça devait arriver, j'ai envie de dire, parce que la France est quand même le pays des taxes et des impôts, donc au bout d'un moment, il fallait aussi penser à ça, je veux dire. Et donc, on y est, nous y voilà. Thierry Moreau, d'ailleurs, qui a une tête de demi-maghrébin, d'ailleurs, hein, pratiquement. Vous en pensez quoi? Oui, ça fait écho à ce qu'a dit Elisabeth Borne, qui est aussi de la communauté que nous aimons tant, je crois, qui est ministre du Travail, qui a dit que non, il ne fallait pas licencier les gens, pas leur permettre de toucher 1 an ou 2 ans de chômage, etc. Il fallait qu'ils soient suspendus, leur contrat de travail, c'est-à-dire qu'ils ne touchent rien du tout. Donc là, ça fait déjà une sorte de taxe. Peut-être qu'il faudrait la mettre en couple avec Thierry Moreau. Je pense qu'il là, il pourrait s'entendre, raconter des choses le soir. Après, j'avoue qu'il y a une forme de, il peut y avoir une forme de colère vis-à-vis de ces gens-là, mais j'ai presque pitié quelque part. C'est des gens qui ont complètement perdu pied, quoi. C'est des gens qui ont perdu les pieds. On voit bien que ça marche pas. Il y a eu d'autres pays. Bon, là, on avait parlé d'un peu d'Israël. Il y a aussi l'Islande qui avait choisi de beaucoup vacciner avant de dire ensuite que finalement ça marchait pas. Les Seychelles, bon, je sais que c'est un pays un peu à part, bien sûr. Ou bien le Chili également qui avait beaucoup vacciné, qui a refermé ensuite ses activités. Bon, leurs histoires, ça fonctionne pas. On peut transmettre, on peut retomber malade et même probablement plus gravement aussi. Bien que, soi-disant, ça protège des formes graves, mais on verra lors de la prochaine vague. Hein. En fait, on va dans le mur et eux, ils veulent qu'on appuie sur l'accélérateur. Quoi, c'est ça, quoi. Oui, le truc qui est très drôle, c'est quel est le problème pour les vaccinés, je veux dire. Quel est le problème? Ils sont censés être vaccinés, ils sont censés rien craindre. Ils ont même leur passeport sanitaire et ils nous disent que c'est formidable, grâce au passeport sanitaire, ils ont retrouvé leur liberté. D'accord? Donc, en théorie, je dis bien en théorie, voilà des gens qui sont fiers d'être libres et d'être en bonne santé. Et qui sont censément à l'abri des risques liés au Covid. Formidable ! Thierry Moreau devrait être enthousiaste d'avoir retrouvé sa vie et avoir peut-être de l'empathie pour les non-vaccinés en disant ouais, « Vous savez, c'est bien triste, ils refusent, mais bon, nous, à côté, quelle chance nous avons. » Et pas du tout. On a un discours là de journaliste qui visiblement est extrêmement fébrile et qui nous dit mais il faut taper plus fort, il faut aller encore plus loin dans la ségrégation, il faut même maintenant prendre leur argent, hein, c'est ce qu'il dit, hein, quand il dit taxer, c'est prendre l'argent des non-vaccinés, enfin il faut en faire encore plus. Comme s'il y avait un danger immédiat, mais que craint-il? Que craignent les vaccinés? Que risquent-ils? Absolument rien. Quant à, comment dirais-je, aux variants, c'est pas les non-vaccinés qui les génèrent, c'est l'effet de la pression vaccinale qui génère les variants. C'est un phénomène assez connu maintenant. Donc, si jamais on doit redouter l'apparition de variants, c'est uniquement sous le fait de la vaccination et pas le fait des non-vaccinés en tant que tels. Hein, c'est quand le virus est au contact du vaccin qu'il mute, que là, ça se met en mouvement le phénomène de mutation. Donc, je ne vois pas bien pourquoi cet individu se plaint, si ce n'est peut-être que, en réalité, ces gens-là, entre eux, entre quatre murs, quand ils se retrouvent en petit comité, sont parfaitement au courant du véritable agenda, et qu'il n'est pas du tout question de faire disparaître un virus comme le Covid, mais bien de prendre en main les populations. Et là, oui, s'il faut les prendre en main très vite, et qu'il y a une part importante de la population qui reste opposée, là, ça peut être un problème, et ça peut expliquer cette nervosité apparente et cette fuite en avant. Mais au plan purement médical, selon leur propre discours, ça n'a pas tellement de cohérence, hein. Bien sûr. Mais en tout cas, ils se sentent vraiment en sécurité, parce que pour parler comme ça, je parle notamment des journalistes, pour parler comme ça, avec une telle aisance, alors évidemment dans des bâtiments sécurisés, sous bonne garde, bien sûr, mais pour parler comme ça à la plèbe, ils ont quand même une certaine assurance. Moi, je dis attention quand même à tous les journalistes. Pourrait y avoir des retournements dans le futur, ça pourrait quand même, enfin, je pense que ça pourrait vous être reproché quand même, hein, ce type de menace comme ça, ça pourrait vous être reproché. Et bon, ça fait écho un petit peu, à une dame qui s'appelle Sheila Johnson, je crois, qui est pas connue, mais qui était relayée sur CNN. Alors c'est une dame obèse et qui les derniers mots sur son lit de mort étaient. Je blâme les non-vaccinés pour ce qui m'arrive. C'est-à-dire qu'elle était vaccinée, bien sûr, donc obèse, ouais. Ça ne l'a pas empêchée d'avoir le Covid-19 et elle savait qu'elle allait en mourir. Ouais. Une fois sur son lit d'hôpital, elle a dit bah, c'est de la faute des non-vaccinés. Quoi. D'accord, donc. Vas-y, ton point. Non, mais apparemment, il y a dans les chaînes américaines, peut-être pas trop en France, mais de toute façon, je ne regarde pas, mais parfois c'est relayé sur Twitter ou autre et donc on voit ce genre de. C'est parfois des acteurs hein, qui disent ah oui, vous savez. Je regrette, j'ai pas pris le vaccin, c'est pour ça que je suis en réanimation, alors en fait on n'en sait rien du statut vaccinal de la personne, ou alors, comme ça, des personnes qui disent « oui, j'ai été vacciné, c'est vrai, mais si le virus continue, c'est à cause des non-vaccinés, c'est à cause d'eux que je retombe malade et tout ça, donc pas à cause du vaccin, certainement. » Ouais, il y a un déni, ouais. Cela dit, ça surfe un petit peu sur la vieille idée depuis Pasteur, c'est-à-dire qu'en gros, on s'injecte le vaccin et puis du coup, on tue le virus, donc on éradique les maladies. Alors je ne dis pas, dans certains cas, ça peut plus, par exemple pour les maladies infantiles, les vaccins ont été généralisés, c'est vrai qu'il y a moins, voire plus du tout de maladies de ce type, mais il y a également, alors le contre-argument, c'est de dire qu'il y a des maladies comme la scarlatine pour laquelle il n'y a pas de vaccin à ma connaissance et qui ont également chuté. Donc bon, j'ai pas d'avis définitif sur le sujet. De toute façon, ce sont des maladies qui sont d'une nature différente, donc je ne crois pas qu'on puisse les comparer directement au Covid-19 ou à. Non, mais c'est le truc, c'est que de toute façon, le sanitaire est un écran de fumée pour justifier ces mesures de contrôle de la population. Donc tu peux, évidemment, il faut le faire, il faut soulever les incohérences du discours médical officiel qui sert à justifier ces mesures. Mais en réalité, c'est un pur prétexte. Il s'agit de semer la confusion dans l'opinion publique, en gouvernant par la terreur, d'ailleurs, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais nous avons fondamentalement changé de paradigme. Nous sommes maintenant dans le monde occidental et singulièrement en France, dans une ère nouvelle où on ne cherche plus à susciter l'adhésion des populations par un consensus politique, mais on cherche à obtenir le consensus politique, l'adhésion des populations par la peur. Et ça, c'est très révélateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait véritablement face à des gouvernements terroristes, au sens strict. C'est-à-dire qu'ils utilisent la terreur de masse pour forcer les gens à faire leur volonté. Donc, on fait peur aux gens, hein, on leur brandit une menace, et ensuite, on les intimide. D'accord ? Donc, on châtie ceux qui refusent de suivre, etc. Donc, ça, vous connaissez très bien toute la batterie de lois qui a été votée au mois de juillet, qui est en train d'être appliquée là au mois de septembre. Donc vous avez à la fois cette menace qui est brandie, cette prise de contrôle chimique des populations avec la vaccination, et puis les sanctions si les gens refusent. Donc on est de toute façon dans un nouveau système où c'est par la peur et l'intimidation qu'on obtient l'adhésion des gens. Et plus du tout par un discours visant à convaincre, etc., même si c'est truqué, même si c'est de la démagogie, même si c'était avec l'aide des médias, comme on l'a connu il y a encore quelques années, quoi. Voilà. Donc là, on est dans un autre mode de gouvernement. Ça, c'est un point très important. Et comme il y a besoin de menaces et d'intimidation, eh bien, c'est très simple. On crée les épouvantails nécessaires pour y parvenir, hein, je veux dire. Voilà. Donc, derrière un discours pseudo-scientifique, on nous le brandit, Delfrécy a expliqué, on va avoir un nouveau variant à l'hiver prochain, bon, Bourla le dit aussi, Delfrécy a dit récemment, là, il va y avoir une troisième dose, etc. Bon, vous avez compris, on n'en sortira pas. On n'en sortira pas parce que la question n'est pas sanitaire. La question, c'est de contrôler la population. Ça, c'est très important à saisir, je pense que les gens le comprennent. Donc, c'est pas la peine de s'épuiser non plus éternellement à essayer de faire une démonstration médicale avec des gens qui n'ont pas compris l'imposture en premier lieu. Je veux dire, évidemment, c'est bien de pointer du doigt les incohérences les plus grossières ou de montrer que finalement, ce qu'on avait dit qui était vrai et que les fact-checkers disaient qui était faux à l'époque s'avère être corroboré quelques mois plus tard ou un peu plus d'un an plus tard, comme c'est le cas, effectivement. C'est vrai qu'il faut le dire, mais bon, ça reste un écran de fumée. Donc, il ne faut pas se battre non plus comme des moulins en s'enferrant dans des discussions à caractère médical, alors que le problème fondamental est ailleurs, quoi. Ça, c'est un truc. Je voulais revenir quand même sur les manifestations. Fait intéressant, c'est à Paris, la manifestation de Philippot, très intéressant. Alors, maintenant, est directement prise en charge par des juifs en kippa. Donc, le service de sécurité de Philippot est assuré par des juifs, en personne. Donc, c'est directement lié à la juiverie organisée. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est eux qui disent, voilà, toi, tu manifestes, toi, tu manifestes pas. Tu dis ça, tu dis pas ça, etc. Donc, ça, c'est le rassemblement de Philippot. Donc, ça, c'est les juifs qui contrôlent le service de sécurité. Et il y a des nègres en renfort de sécurité qui veillent à faire la police en marge du rassemblement pour s'assurer qu'il n'y a aucun propos subversif, qu'aucune question dangereuse ne soit posée. Voilà. Et en échange, Philippot a le droit à son petit quart d'heure de gloire avec sa petite cour d'homosexuels, là, et puis ils peuvent faire leur petit fric-frac et faire semblant d'exister. Mais tout ça est complètement sous la coupe de juifs en kippa, dont les photos sont prises d'ailleurs, hein, je veux dire, ça a été documenté, c'est diffusé maintenant, je veux dire, voilà, c'est pas un abus de langage de notre part, quoi, je veux dire, c'est pleinement documenté, purement factuel. Donc ça, c'est la chose la plus intéressante à Paris. Donc, quand il y a eu un moment de flottement, là, au début, avec le rassemblement de Philippot, quand il y avait des Gaulois qui venaient pour s'exprimer librement, bon, hop, le peuple élu est intervenu directement. Hein. Voilà. Bon, ça traduit aussi une forme de désespoir. Hein. C'est-à-dire que pour monter au front directement, c'est vraiment qu'ils sentent que le boulot ne sera pas fait par les autres. Hein. Bon, ça, c'est à relever. Deuxièmement, à Montpellier, je tiens à saluer très amicalement les Bourguignons qui se sont quand même déplacés lors de la manifestation de samedi, alors que les antifas, qui se sentaient déstabilisés dans cette ville parce qu'ils ne parviennent pas à prendre la tête des cortèges, avait annoncé venir en masse. Il y avait eu la semaine précédente, donc le 21 août, des échanges assez violents entre des nationalistes présents et des antifas. Il y avait notamment des gens de la Ligue du Midi. Bon, il y avait eu une algarade, rien de trop sérieux, mais comme les antifas n'avaient pas réussi à prendre le dessus, ils avaient annoncé venir en masse. Et nous avons nos bourguignons qui se sont déplacés, malgré tout, hein, alors que la Ligue du Midi a décidé, à la lecture du communiqué des antifas, de capituler en race campagne. Donc ils ont dit, voilà, on laisse la rue rouge, on se présente pas, on les laisse. Voilà, bon. Et ça a été tout à l'honneur de nos gars sur place de s'y rendre. Ils n'étaient peut-être pas tous au même endroit d'ailleurs, mais il y a eu donc une cinquantaine d'antifa. Ils n'ont pas finalement ramené tellement de monde. Hein. Il y avait une cinquantaine d'antifa, mais pas beaucoup plus que ça, qui se sont mis en chasse de tout ce qui pouvait ressembler à un nationaliste. Alors comme ils ne savaient pas exactement qui était quoi, tout ce qui portait un drapeau tricolore était réglementairement tabassé. Alors évidemment, à 20 contre 1, hein, vous connaissez la règle. Mais c'était à l'aveugle, hein, c'était à tatillon, quoi. Pardon, c'était à tâton. Ils ne savaient pas exactement qui était où. Et parmi eux, il y avait nos camarades qui ont été très violemment agressés, qui ont été tabassés, avec un rapport de force très déséquilibré, parce qu'ils se sont quand même déplacés. Mais ils ont réussi à tenir tête, malgré tout, comme ils ont pu. Alors, il y a eu vraiment même des tentatives de lynchage, voire même de meurtre dans un cas, au moins. Et là, les CRS, qui avaient consigne de ne pas intervenir, ont dû intervenir parce que les antifas, qui sont un ramassis de camés, de drogués, de tous les squats de la région, hein, c'est ça, hein, en fait, allaient trop loin. Ils allaient trop loin, et là, les CRS, évidemment, ne pouvaient pas prendre le risque d'avoir, des meurtres en place publique sous leur nez, évidemment. Ça n'aurait pas pu se passer. Donc là, ils ont été obligés d'intervenir. Bon. Donc évidemment, nos gars ont quand même tenu tête, mais ils n'ont pas pu évidemment contenir une masse comme celle-là, compte tenu du rapport de force. Mais bon, donc je tiens quand même à les saluer pour leur courage, d'autant qu'ils y sont allés alors que les autres étaient partis à la piscine. Voilà, donc bravo à eux. On est tous très fiers de vous, très fiers de votre courage, et il n'y a pas eu finalement de blessures trop graves, donc ça a été plus spectaculaire qu'autre chose, mais quand même une vraie intention de nuire. Mais bon, en tout et pour tout, en rassemblant tout ce qu'ils ont pu, une cinquantaine de mecs, donc c'est pas non plus c'est pas non plus une armée. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils n'arrivent pas à prendre la tête du cortège à Montpellier notamment. Voilà. Alors, à Caen, nos camarades nous ont informé de la situation, où ça s'est passé beaucoup mieux. Pareil, tentative de la part des antifas. Alors là, pour le coup, on a la preuve, en étroite coordination avec les flics, de diviser les cortèges. C'est ça la grande stratégie des antifas. C'est-à-dire qu'ils surgissent dans les cortèges, généralement des villes en région, ils surgissent dans les cortèges pour détourner une partie du cortège dans des rues adjacentes. Pour casser les cortèges, pour désorienter les masses, pour semer la confusion et décourager les manifestants. Donc ça, c'est étroitement piloté par les juifs du gouvernement, du ministère de l'Intérieur et de leurs laquais dans les différentes préfectures. Et ça ne prend pas. À Caen, ça ne prend pas. Donc là, ils ont été pris en flagrant délit de coordination avec les antifas. Ça a échoué. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a eu d'autres tentatives dans d'autres villes, ça ne prend pas davantage. Il n'y a que, à ma connaissance, Nantes, peut-être Toulouse, et Strasbourg, où les antifas, font un peu ce qu'ils veulent, mais là, même à Strasbourg, ils essayent de prendre la tête, ils ne prennent pas la tête, parce qu'en fait, là, c'est trusté par la CGT. Voilà, donc en fait, c'est des querelles avec la gauche, voilà. Mais ça, c'est des endroits où il n'y a que la gauche, si vous voulez. Ça, c'est Strasbourg, Nantes, voilà. Voilà. Mais sinon, dans les autres villes, ça se passe plutôt mieux, et c'est quand même assez dynamique dans le sud de la France. Donc là, c'est effectivement Toulon, Montpellier, Pau, Aix, etc. Ça se passe pas mal du tout, là. Et Montpellier, en fait, c'est un échec, parce qu'ils voulaient par la force essayer de prendre la tête de la manifestation. Et en fait, ils n'ont même pas essayé. C'est-à-dire qu'ils ont juste essayé de taper des nationalistes, d'agresser des nationalistes, mais ils ont même pas pu entraîner les foules ou quoi. Ça ne fonctionne pas, quoi. Donc ça c'est la très bonne nouvelle, c'est-à-dire que les antifas ne parviennent finalement pas à grand-chose. C'est plutôt une bonne nouvelle, en dépit des tentatives récurrentes semaine après semaine. Voilà. Donc comme quoi, vous voyez, c'était pas écrit cette affaire. C'était pas écrit. Quelqu'un veut peut-être parler là-dessus sur les manifs, les antifas, récupération, tout ça, ou ce que j'ai dit. C'est lié, mais ce n'est pas exactement ce dont tu as parlé. J'ai observé sur Facebook des gens qui se présentent un peu comme s'ils étaient de notre bord et qui critiquent l'apparition de petits panneaux, là, hein, de cartons, qui invoquent le « qui ?» point d'interrogation. Ouais. Et ces gens... affirme, voilà, c'est contre-productif, on ne devrait pas laisser courir ça parce que bon, ça se retourne contre nous, ça décrédibilise la cause. Et tout cela pour quelques personnes qui veulent se faire mousser en voyant leurs photos paraître sur DP. Oui, Fulbert, je pense que tu fais référence à une certaine bourgeoisie de droite, des gens bien installés, qui ont une stratégie un peu bizarre, c'est-à-dire qu'ils veulent absolument combattre l'ennemi sans nommer l'ennemi et puis en évitant l'ennemi. Donc voilà, ce n'est pas une stratégie qui m'a convaincu à titre personnel. Mais en fait, je suis incapable de les situer parce que je ne suis pas un grand adepte de Facebook. Je connais mal les pseudonymes, je situe mal les gens, mais il y a beaucoup de chances que cela corresponde à ce que tu viens de dire. Et tu n'es pas non plus un grand enculeur de mouches, donc ce genre de fioritures te laisse froid. Oh, mais je les rapporte quand même. Ouais, mais les bourgeois, les gens bien installés, ils veulent quand même maintenir... vous savez, c'est des gens qui veulent peut-être paraître rebelles, mais ne veulent pas être rebelles. C'est une grande différence. Hein. Il y a beaucoup de gens qui traînent comme ça un peu, je dirais pas dans nos milieux, mais en tout cas qui gravitent un peu autour, et qui veulent passer pour des révolutionnaires en s'asseyant dans des canapés en cuir, en fumant des gros cigares, sans jamais prendre de risques. Ça, ces gens sont à fuir. Hein, voilà. C'est juste qu'ils veulent, ils sont installés, ils sont confortables, et la révolution qui viendra demain bousculerait leur confort, tout simplement. Sans doute, oui. Bah, ça consiste à vouloir faire la volonté des Juifs, exactement comme Florian Philippot, qui en est maintenant réduit, pour pouvoir être toléré dans les rues de Paris, à laisser en fait le cortège de gens qui viennent à sa manifestation sous le regard et le contrôle de juifs en kippa. Donc à un moment donné, si vous êtes un révolutionnaire, si vous êtes un nationaliste, vous voulez être maître chez vous. Qui peut prétendre être maître chez lui qui a peur de remettre en cause l'autorité du parasite étranger qui impose ses quatre volontés dans votre pays ? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, de deux choses l'une, vous êtes un Shabbat Goy, vous l'assumez, vous le revendiquez, et c'est très bien, mais ne vous cassez pas la tête à venir dans des mouvements contestataires, aller chez Macron, ou aller dans des partis républicains, partisans de l'ordre établi, faites carrière chez eux, et ça sera très bien pour vous, je présume que vous aurez une vie beaucoup plus simple, mais s'il s'agit de contester le système pour remettre en cause ce système, par définition, cela implique de le combattre, et on ne peut pas combattre le système sans attaquer ceux qui le contrôlent. C'est aussi simple que ça. Et c'est d'ailleurs la force du slogan « qui ?». C'est ça qui a généré cette incroyable peur de la part de la LICRA, du CRIF, du ministère de l'Intérieur. C'est justement que la question posée visait juste. C'était tout le problème. Ça visait trop juste. D'où la grande peur, d'où tout d'un coup cette espèce de paranoïa qui a parcouru comme ça les préfectures, les rédactions pour chercher qui c'est qui ose nommer l'innommable. Vous savez, pour reprendre littéralement ce que dit Pasternak, qui, monsieur, qui? C'est ça la force du même Pasternak, c'est exactement ça, c'est-à-dire de qui parlez-vous ? Vous voyez, c'est, tu poses la question qui, et là, tu as la réaction délirante des Juifs, et ça devient un même dans le même, c'est-à-dire que le même est mis en miroir, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le même se vérifie par lui-même, tu sors la pancarte qui, tu vois tous les Juifs sortir en hurlant, c'est-à-dire de quoi parlez-vous, quoi ? Je veux dire, bon, bah, c'est la démonstration par l'absurde qu'effectivement, c'est eux qui mènent la boutique, bon. Bon, il y en a qui en prennent leur part, comme Philippot, qui s'est totalement aligné, voilà, et qui vous fait des discours d'une platitude, je veux dire, à pleurer sur le thème de la liberté. Bon, on a parlé de Macron et de ses Afghans, bon, il va vous faire venir des Afghans au nom de la liberté, voilà, bon, bien, bon, ça ne va nulle part. Hein. La politique commence quand on se met à nommer des gens. Vous pourrez toujours le vérifier d'ailleurs, c'est quand vous commencez à donner des noms et des groupes d'intérêts bien précis, c'est là que la politique commence, c'est là que l'hostilité commence, c'est là que les problèmes commencent. Quand vous faites des déclarations générales sur des problèmes abstraits, personne ne s'intéresse à vous, vous ne gênez personne. Donc voilà, et de toute façon, au plan purement politique, j'ai même envie de dire stratégique, quand vous rentrez dans une guerre, par définition, vous acceptez de combattre votre ennemi. On n'a jamais gagné une guerre contre un ennemi qu'on refuse de combattre parce qu'on a peur de lui. Je veux dire, voilà. Bon, alors ceux qui disent, oui, mais il ne faut pas nommer, il faut être prudent. Ça fait 50 ans que la droite fait ça. Ça fait 50 ans que la gauche cosmopolite et ceux qui la contrôlent gagnent culturellement, politiquement et ont pris l'ascendant sur toute la société. Et c'est vrai d'ailleurs en France comme dans d'autres pays occidentaux. Donc, non, c'est la stratégie perdante. Il faut au contraire relever le défi, jeter le gant, désigner l'ennemi et attaquer le quartier général. Voilà, c'était le principe de Mao. C'était le principe de Mao. On vise le quartier général. Point barre. C'est, voilà. Donc non, c'était la bonne stratégie. Et la preuve en a été faite, finalement, avec une grande économie de moyens. Finalement, il y a eu un véritable résultat en termes culturels. Et je m'en félicite. Alors c'est sûr, après, c'est pas avec quelques pancartes qu'on renverse un régime. Bien sûr, certainement. Mais nonobstant, je trouve, moi, et j'en termine, que ces manifestations, en pointant du doigt, enfin, avec certains participants de ces manifestations, et notamment nos camarades démocrates, en pointant du doigt les responsables, ont donné une force à cette mobilisation populaire que n'a jamais pu avoir le mouvement des Gilets jaunes, qui est finalement resté très en surface, qui n'a jamais été capable de structurer un discours, on va dire, politique en nommant, en accusant des responsables. Jamais. Et ce mouvement-là, aujourd'hui, celui qu'on a réussi, pas totalement, hein, je veux dire, mais a réussi en partie à pointer du doigt des responsables. Et pour moi, c'est un progrès énorme parce qu'on parle bien des Juifs. Bien sûr, il n'y a pas que des Juifs. Tout le monde en convient. Il y a des politiciens démocrates opportunistes, il y a des idiots utiles de toute nature, il y a des fonctionnaires carriéristes, etc. Mais bien sûr, on le sait, mais la force motrice, c'est bien évidemment la force juive. Aux États-Unis, sur toutes les questions, ce sont les Juifs qui contrôlent. Le gouvernement Biden est le gouvernement le plus juif de l'histoire. Bon, voilà, enfin, on le sait, pas besoin non plus d'y revenir. On va dire, la part sanitaire, la dernière escroquerie du système globaliste, c'est simplement effectivement la nouvelle phase de la grande stratégie. Mais ce sont les mêmes. Je trouve ça normal qu'il y ait des médiocres dans notre milieu qui essayent de tirer profit de la situation, parce que tu les enjoignais à rejoindre le rang de Macron et compagnie. Alors, Macron en marche, c'était spécial, parce que ça s'est constitué là, sur la couille à Jules, quoi. Donc, effectivement, des no-names auraient pu y rentrer à ce moment-là et puis devenir des officiels du mouvement, des élus, pourquoi pas. Mais, dans l'absolu, c'est toujours plus difficile de se démarquer dans un environnement qui est compétitif que dans un environnement qui est médiocre. On va pas se le cacher. Le RN, c'était composé de gens excessivement médiocres. Donc, quand tu veux briller, tu as le choix, en fait. Est-ce que tu préfères être le dernier au paradis ou est-ce que tu préfères régner en enfer, quoi. C'est un peu le genre de dilemme que ces gars sont confrontés. C'est très juste. Ce qui attend ce genre de personnes qui appellent à se soumettre aux juifs, parce que bon, il faut parler clairement, c'est ça, hein. C'est le sort de Ménard. Vous avez vu l'évolution de Robert Ménard? Il en est réduit à dire du bien d'Emmanuel Macron en disant qu'il faut. Alors, non seulement il est partisan du pass sanitaire, il est partisan de la vaccination obligatoire, mais en plus, maintenant, il tresse des louanges à Emmanuel Macron pour sa politique sanitaire. Je veux dire, voilà, c'est ça l'évolution inéluctable de la droite bourgeoise démocratique. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous voulez jouer le jeu de la démocratie, quand vous croyez à l'arnaque électorale, que vous voulez faire partie du système, c'est vers là que vous finissez inévitablement, parce que le système ne peut tolérer en son sein que des gens qui ne sont pas dangereux, ou qui ont simplement une fonction de diversion, voilà. Mais des gens vraiment dangereux, des gens qui remettent radicalement en cause le système, ces gens-là, justement, le système ne peut pas les tolérer et ne les tolère pas. Et ce qu'il fait, c'est qu'il mobilise la répression judiciaire. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on a vu. Je citerai Cassandre, hein. Cassandre, là aussi, un très bel exemple. C'est exactement ça. Vous posez la bonne question, la réaction, c'est interpellation à 6 heures du matin et garde à vue pendant 48 heures. C'est ce qui est arrivé à cette jeune femme, voilà, hein, du Parti de la France, voilà, parce qu'elle a posé la mauvaise question. Là, pour vous, c'est garde à vue. C'est très clair. Bon, bah, y a des tas de gens, si vous voulez, ce qu'on appelle des rebellocrates, quoi, hein, voilà, ils ont, oui, non, ils ont pas envie d'aller jusqu'au bout, voilà, bon, bah, c'est leur choix, mais qui ne nous donnent pas des conseils de stratégie, je veux dire, on s'en sortira très très bien tout seul, hein. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Mais, en termes de stratégie, il y a beaucoup de gens, en tout cas des hommes, installés à droite, dont la stratégie est comment garder mon portefeuille bien fourni, ou juste comment tirer des gonzesses. Hein. Ça peut paraître très trivial, mais simple fait d'avoir un statut, de pouvoir être mis en avant et tirer des gonzesses, ça suffit à un type comme ça pendant 40 ans, et puis ça lui convient très bien, quoi. Marine Le Pen, par exemple, elle veut pas être présidente, elle veut pas prendre des risques. Marine Le Pen, elle veut faire des deuxièmes tours de temps en temps, avoir du rhum, pouvoir danser sur la Macarena ou autre d'ailleurs. Et puis surtout pas prendre des risques, attention, hein. Faut se méfier de ces gens-là. Faut se méfier de ces gens-là. Faut prendre des distances et faut surtout les mettre en face de leurs contradictions. C'est parce que c'est juste débile, en fait. Hein. On peut pas la matrice du système. Qui peut prétendre maintenant qu'elle n'est pas juive? On arrive à un point où des gens, ils sont dans des rues, ils ont une pancarte et juste marqué qui, c'est bon, ils finissent en garde à vue. Vous avez compris qui tient le pouvoir? Bon, ben voilà. Donc, ne pas vouloir combattre directement ces gens et vouloir trouver absolument des stratégies diverses pour juste finalement ne pas avouer un recul, ça est absolument criminel, surtout qu'on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Moi, je m'intéresse un peu, vous savez, à la youtubeologie, parce que parfois, j'arrive à trouver le temps pendant mon travail pour m'intéresser à des sujets alternatifs. Et je constate qu'il y a beaucoup de gens qui disent des choses intéressantes, mais qui nous font perdre du temps. Des trucs du genre, oui, bon, vous savez, je suis de droite, je suis hyper radical. La preuve, je trouve que les féministes aux cheveux bleus, parfois, c'est pas très gentil. Et l'islam radical, des fois, ça tue. Super bonhomme, d'accord, t'as juste 20 ans de retard. On n'a plus le temps pour ces conneries. On n'a plus le temps pour ces conneries. Faut avancer maintenant. Je voudrais revenir sur un point que tu soulèves, à savoir les gens qui ont envie de protéger leur patrimoine. Moi, j'ai rien contre ça, en fait. Seulement, parce que dans l'absolu, quand tu te fais chier à créer une marque, une entreprise, que tu te fais chier à créer une réputation, t'as pas envie de la perdre. Parce que faut bien comprendre que même si nous, on voit les choses collectivement, en vrai. Bon, tout se passe au point de vue individuel. Il y a personne là dans notre communauté qui va se dire putain, tiens, j'ai les moyens. Si je donnais 500 millions de dirhams à un copain qui est dans la merde, c'est très rare. Donc notre solidarité à nous Européens, elle se passe au niveau collectif. Alors malheureusement, c'est l'État qui le fait, donc c'est très mauvais. Avant, il y avait d'autres facteurs de solidarité. Ça pouvait être l'Église, ça pouvait être des corps constitués. Bon bref. Mais la question qui me turlupine, c'est si tu le mec qui s'est fait chier à créer, que ce soit un empire, que ce soit une société, que ce soit une réputation, et qui veut la préserver, je comprends. Tu as passé du temps, tu as donné de l'énergie, et le temps, c'est la seule chose qu'on peut jamais récupérer dans la vie. Bon. Seulement, quel est le but de tout ça? Si, comme tu le dis, Pierrot, le but, c'est juste de niquer des gonzesses pour niquer des gonzesses, bon, c'est stérile. Si le but, c'est d'avoir une descendance et d'offrir à ta descendance les meilleures conditions du possible, je comprends encore une fois. En revanche, et c'est là où, à mon avis, les gens sont très mauvais dans le calcul, et je ne parle pas uniquement des gens de notre bord, je parle des bourgeois en général, c'est que l'énergie qu'ils mettent à protéger leur fortune ou leur situation individuelle, c'est de l'énergie qu'ils ne mettent pas à protéger le pays ou la collectivité dans son ensemble. Et de facto, la chute du niveau de cette collectivité entraînera sur le long terme la chute de leur situation, ou si ce n'est pas la leur, celle de leurs descendants à plus ou moins longue échelle. Et c'est là où tous ces gens-là, ils n'ont rien compris au film, à mon avis. Il y a aussi un autre problème là, avec cette droite réactionnaire et tous ceux qui ont un schéma archaïque en tête. C'est l'avantage avec cette tyrannie sanitaire et le nouveau mode de gouvernement dont j'ai parlé un petit peu avant, par la terreur, la contrainte, la timidation. C'est que les élections, qui étaient déjà inutiles avant, sont devenues, là, une farce accomplie. Quel est l'intérêt, au mois de mai prochain, de choisir entre Marine Le Pen, qui est une vaccinolâtre folle, qui est totalement adepte des mêmes mesures, parce qu'elle suivra ce que dira la haute fonction publique et le CAC 40, enfin, elle ratifiera, voilà, elle ne sera pas élue, de toute façon, voilà, elle ferait pareil, elle ferait du ménard, quoi. Quel est l'intérêt de quoi? De dire on est de droite, de gauche. Mais même ce clivage droite-gauche ne veut plus rien dire. Il y a l'oligarchie en place et il y a les autres. Il y a l'oligarchie en place et il y a les autres. Ils contrôlent l'intégralité du système et ils ne s'emmerdent plus à passer par des modulations du XXe siècle qui étaient des élections, etc. C'est fini ce temps-là. Voilà. Maintenant, c'est une reprise en main directe. Tu ne peux pas sortir chez toi s'ils ont décidé de ne pas te laisser sortir chez toi. Tu ne peux pas avoir de vie sociale s'ils ne veulent pas que tu aies une vie sociale, etc., etc. Ils ont tout repris en main. Je veux dire, l'élection présidentielle n'a aucun intérêt. Ça n'offre aucun intérêt. Vous allez avoir une myriade de candidats. Hein, Sandrine Rousseau, hein, on en a parlé. Emmanuel Macron, à droite, vous allez avoir des candidats à la candidature. On ne saura même pas quoi en faire. Bruno, on ne sait même pas qui, d'ailleurs. On ne sait même pas qui. Il y en aura plein. Voilà, on aura tous, Florian Philippot, tous, voilà, on les aura tous. Ça ne servira à rien. D'accord? On a changé d'époque. Là, on rentre dans le dur de la politique. La démocratie, c'est une fiction. Et ça ne dure que tant que les masses acceptent de jouer le jeu de la fiction. Le grand révélateur de tout ce qui est en place maintenant, c'est que le système, visiblement, juge, de son point de vue, pour des raisons financières et autres, qu'ils n'ont plus le temps de la fiction. Ils n'ont plus le temps de justement susciter cette adhésion. Vous savez, il y a un bouquin là-dessus qui s'appelle Comment créer le consentement, la fabrique du consentement, justement. Ils n'ont plus le temps de fabriquer le consentement par les anciens modes de fonctionnement. C'est fini, ça. Maintenant, le consentement, tu le crées par la terreur, dont j'ai parlé un petit peu avant. Ils n'ont plus besoin de s'ennuyer. T'as encore des élections, simplement pour respecter la forme. Mais il n'y a pas d'enjeu. Donc les gens qui vont nous parler de la candidature d'Éric Zemmour, etc., ça n'offre aucun intérêt. Zemmour a dit, oui, vaccination, d'accord. Passe sanitaire, oui, d'accord. Oui, d'accord. Il validera tout ça. Et de toute façon, on sait très bien l'agent de qui c'est, Zemmour, d'accord. Donc pas besoin d'y revenir. Voilà, alors oui, il va dire des vérités sur les Afghans ou je ne sais pas quoi, le grand remplaçant, d'accord. Mais ça, il n'y a pas besoin de s'appeler Éric Zemmour pour le dire. D'accord. Donc Marine Le Pen, transparente sur absolument tous les sujets. À côté de ça, il vous aurait mal. Ça ne sert à rien. C'est ça la grande nouveauté, c'est que maintenant, tous ceux qui ont un minimum d'intelligence constatent que la démocratie, les élections, tout ça est truqué, ne sert absolument plus à rien. La vraie politique, elle est adoptée au plus haut niveau, elle est appliquée avec brutalité par le système, et le système agit comme un rouleau compresseur. terminé. Et c'est tellement vrai que l'on voit même des gens qui se prennent pour des gourous de la politique, qui sont dans l'opposition, écrire sur Twitter, je parle de Jean-Marie Le Pen, santé publique, deux points, je conseille de se faire vacciner contre le Covid-19. Oui, Jean-Marie Le Pen a pris position, oui, voilà. C'est... Mais là, bon, là, j'y vois davantage, en fait, le produit d'une génération. C'est-à-dire que Jean-Marie Le Pen a pratiquement un siècle, il faut quand même le mesurer. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est né dans les années 20, à l'époque où, on allait vacciner les gens en Afrique, dans les colonies. Bon, et comme il est très âgé, on lui a recommandé la vaccination, et comme il a eu des problèmes respiratoires dus à son grand âge, pour lui, c'est évident, d'accord. Bon, mais quand on a toutes les données en main, on se rend compte que c'est un point de vue qui est complètement obsolète et sans aucun rapport à la situation. Qui n'a rien à voir en fait avec un problème médical. Vous voyez, c'est une nouvelle méthode de gestion des masses et ça n'a rien à voir avec un vaccin ou je ne sais quel virus. Quoi. Voilà. Donc ça tombe à côté, ça tombe à plat. Mais effectivement, ce caractère obsolète, périmé, d'une certaine vision du monde ressort là typiquement. C'est vrai, c'est juste. Ouais. Donc voilà, donc si vous voulez, comme l'a dit Pierrot, on n'a plus le temps, notamment pour des raisons démographiques, pour se conférer au projet macroniste en Afghanistan, et en général à la politique de grand remplacement voulue par les mêmes élites, parce que ce sont les mêmes élites qui mettent ça en place et qui sont à la tête de la gestion par la terreur sanitaire des masses, hein, c'est les mêmes gens. Au plan des mesures adoptées de contrôle des populations, bon, c'est de plus en plus brutal. Ils vont aller plus loin, à mon avis. Je pense qu'on va vers la vaccination obligatoire pour tous. Ils vont regarder combien de gens refusent de se faire vacciner. S'ils voient que le bloc est encore trop important, ils vont dérouler le programme dans son entière dureté. Ensuite, la vaccination très régulière, 5 mois, comme aux États-Unis, puis ensuite 3 mois, peu importe. Les gens auront un passeport avec vaccination, voilà, tout ce qui a été annoncé. Le système va être de plus en plus brutal. Bon. Et dans ces circonstances-là, il faudrait peser ses mots, il faudrait jouer le billard à 3 bandes, etc. Non, mais de toute façon, le système va être brutal avec tout le monde. Ils mettent déjà les gens au chômage. Ils les privent de soins, ils veulent ségréguer leurs enfants à l'école. Vous avez même des journalistes maintenant sur des grands médias qui appellent à les taxer spécifiquement. Tous ceux qui refusent d'être des esclaves soumis à cette hiérarchie cosmopolite. Bon, donc de toute façon, on va arriver à un stade où de toute façon, les gens n'ont rien à perdre. D'accord ? Donc la prudence, quand on a beaucoup à perdre, c'est un argument. Mais quand on n'a plus rien à perdre, c'est un non-argument. D'accord ? Donc voilà, donc là, on arrive au stade où de toute façon, les gens, ils vont faire leur choix pour eux-mêmes, et croyez-moi bien, qu'un certain nombre d'entre eux, pas la majorité, mais un certain nombre d'entre eux, important à mon avis, ne va pas accepter, ni plus ni moins, cette réduction en esclavage. Parce que c'est quand même de ça qu'on parle. Voilà. Donc l'histoire... Perso... J'ai déjà trop parlé, je te donne la parole. Je voulais dire juste, perso, en 2022, je vote le coupe-coupe. Tu votes... Ça a marché Tu votes sortie de bois, donc. C'est ça. Sortie du bois, méthode forestière et agricole, pas chère, efficace, approuvée et testée dans l'histoire. Voilà. Non, mais c'est ça, voilà. Donc, bon, voilà. Bon, alors, bon, la bourgeoisie, que la bourgeoisie fasse ce qu'elle a toujours fait, c'est-à-dire qu'elle s'aligne, quoi, c'est tout. Ils font ça, de toute façon. Voilà. Ah ben j'ai envie de dire les grands bourgeois peut-être qu'ils font partie des gens qui vont se faire qui vont avoir des problèmes un jour ou l'autre hein. Pas forcément par des gens de notre bord hein, mais peut-être par les gens qu'ils ont importés quoi. C'est quand on porte des sauvages qui ont l'habitude de pratiquer le génocide et l'épuration ethnique et que c'est inscrit dans leur gène et dans leur histoire, faut pas s'étonner qu'à un moment les mecs de façon atavique ils reproduisent le travail de leurs ancêtres. Ah mais de toute façon, c'est aussi la fonction de cette importation massive d'halogènes, c'est de servir en quelque sorte de à la fois de mercenaires, mais aussi de masse d'appoint contre les autochtones. Et regardez, je trouve que c'est très intéressant, c'est presque une parabole, les rassemblements qu'organise Filippo, comment la reprise en main fonctionne. Vous découvrez quoi ? Vous découvrez que des juifs en kippa donnent des ordres à des nègres pour tenir à distance l'autochtone gaulois qui veut se révolter contre l'exploitation parasitaire juive qu'il subit. Et vous avez le théâtre, littéralement, sur l'estrade, avec des homosexuels cooptés par les juifs qui servent de leurre pour canaliser la révolte. Je veux dire, c'est ça, les rassemblements de Filippo, c'est en modèle réduit la France entière. C'est la France démocratique. C'est ça la France démocratique. D'accord ? Faut bien comprendre. Quand vous avez compris ça, vous avez tout compris. Et vous avez compris que tant que vous ne cassez pas ce théâtre-là, ce théâtre d'ombre-là, vous n'en sortirez pas. C'est ni plus ni moins que ça. Donc, quand toi, tu vois ça, et que tu dis, tant qu'on n'en finit pas avec ça, on restera, la masse restera l'esclave de cette manipulation, et que tu vois des gens arriver en disant, il ne faut surtout pas poser la question qui fâche, bah, t'as compris qu'ils bossent pour l'autre côté. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Alors ensuite, ils font leur politique de classe aussi, d'une certaine manière. On parlait de la bourgeoisie, mais c'est exactement ça. Ces gens ont leurs intérêts, défendent leurs intérêts, s'alignent sur les intérêts de l'oligarchie dominante, qu'ils l'avouent pas, qu'ils aient la soumission honteuse ou qu'ils ne l'aient pas, ça c'est leur problème. La réalité objective est celle-là toutefois. Ils s'alignent sur le tabou ultime, qui est de ne pas toucher à ceux qui contrôlent la France, que sont les juifs. Voilà. Y a pas que les juifs. Hein, ils ont aussi des associés dans le crime. Hein, on le sait. Il y a des réseaux très influents. Le réseau LGBT est un vrai réseau de pouvoir. Mais il est très dépendant du réseau juif. On le sait. Il y en a d'autres, des réseaux. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il n'y a pas que ça. Mais il est central. Et on l'a suffisamment démontré au fil des années ici, je veux dire, en prenant tous les cas, dans tous les pays, etc. C'est inévitable. C'est, je veux dire, on ne peut pas le contester. Je veux dire, pas avec sérieux. Je veux dire, c'est pas... Ah bon. Ben, voilà. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait en dire. On se dit à la semaine prochaine, les amis. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.